Ok. Comment t'as pu faire ça, quoi? Sérieux. Eh ben, tu... Alors, bien sûr, elle se brise en plusieurs morceaux. Tu tombes à plat dos de 3,50 m. Et tu prends ta flèche, un des 10 pour la localisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tu veux. Les 8, 9, 10, point critique. Oui, c'est ça. 8. Ok, tu la prends dans la jambe. En fait, le grappin s'explose, il reste que la tête de la flèche, et elle retombe, et tu la vois en fait. Tu tombes en même temps qu'elle, tu vois. T'es comme ça. Non. Tu tapes sur l'autre. Tu coupes le souffle, et là, c'est fait. Ah, tu lances. C'est combien les dégâts de ton arc de base? Est-ce que c'est, ça, c'est pas l'arc c'est... Je sais, c'est pas l'arc, mais c'est combien de base? C'est un D6, je pense. C'est arc long? Non, l'arc, il n'y a pas écrit. Ah, si, si, si, ah, merde, fait c'est moi qui ai oublié de l'écrire. Arc long, un D8 plus. Ouais, un D8 plus 1 en plus ton arc, oui. Oui, oui. Donc, je lance un D6 dégâts. Attends, laisse-le bien se croûter la gueule et après, tu verras. 3. Alors, moins de 3 points de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il le fait juste après, mais bon, t'étais pas concentré sur ça, tu parlais au mec et tout, donc détection moins. T'as combien en détection? Et ils sont à 300 mètres. C'est un nouveau truc que je vais pas noter. Ah, puis moi, je suis vraiment concentré sur ça. T'es à 80. Ouais, ben ouais, j'allais te mettre à moins 30 ou moins 40, mais si je suis à moins 30, vas-y. Le truc ça le passe plus simple du monde, je vais. Ok. Ouais, tu. T'entends. De loin, c'est quoi ça? Tu sautes un peu et par-dessus la foule, tu vois un mec qui tombe de dos avec une corde comme ça. Qui... Et quand tu te. Donc quand et tu tombes. Je capte que c'est lui. Tu reconnais sa voix. Ouais, ouais. Tu te doutes que c'est lui. Enfin, tu te dis, putain, il y a que lui pour faire ça. Comme lui, il s'est dit, il y a que lui pour faire ça. Tu te dis, il y a que lui pour faire ça. Et tu prends la flèche dans la jambe, ça te coupe le souffle, tu craches un peu du sang. D'accord. Trop tard, je suis parti, moi. Et quand t'essayes de te relever, tu te rends compte que t'as encore la corde en main au début. Enfin, tu tiens ta jambe, en fait, avec la corde, parce qu'elle est encore accrochée à la corde et la flèche t'est prise dedans, quoi. D'accord. Mais si elle s'est cassée, elle aurait pas dû pouvoir me transpercer la jambe. Si, parce que c'est une flèche, en fait, de base, avec un truc qui se met en grappin. Enfin, un truc... un flex en grappin, je crois qu'on est... Ouais, un ouais, truc mécanique. Elle est cassée, je l'ai perdu. Hein. Le grappin, tu peux plus utiliser en grappin. Tu peux l'utiliser en flèche avec une corde, si tu veux. Ça fait un sort de pieu, en fait, tu vois. Et t'as un pieu planté dans la jambe, quoi. Oui, bon, ben... Et ça va faire mal en sortant, ça, tu le sais aussi. Parce que comme c'est cassé, qu'il y avait des engrenages, ça, machin, ça va piquer aussi à la sortie. Donc... Tu peux me faire un jet de vigueur, si tu veux bien le résister ou pas. Ça devient. Ouais. C'est... Non. Et ma vigueur elle est là. C'est bon, ça passe largement. Ouais. Tu serres les dents et tu cries pas une seconde fois quand même. Un petit peu d'honneur. Je casse la flèche, je laisse le. La tête, c'est de la ferraille. Il a fait un débat. Non, non. Ouais. C'était un dessin, oui, sur la vigueur. Ah oui, oui. Ouais, t'as fait un débat. Ah, pardon. Un débat. Ouais, c'est sûr que 11. Ah, pardon, excuse-moi, c'est ma faute. Ça passe quand même. De 2, ça passe quand même. Ok. Et donc j'allume ma flèche. Tu casses la. Parce que la partie. Là où c'est la partie bois. La hampe est en bois. Le plus mais la tête est en ferraille, quoi. Ouais, okay. le gros en ferraille. Mais ce que je peux pas casser, je suis bête, mais pas au point de. Je fais pas. Enfin, si, fais un jet de force tranquille. Je fais des flèches quand même. Fais un jet de force juste pour voir si tu le fais bien ou pas, de manière à pas te faire 10. Mal. Et j'ai 14 en force. Ok, clac, tu casses, ça te fait quand même un peu mal. Ah, putain! Je repère un point tu... de vie. Non, tu repères pas un point de vie. Par contre, tu rayes la flèche du grappin. Ouais, c'est fait. Et t'as une corde. Et il me reste une corde. C'est avec la flèche du grappin, il y a la corde qui est comprise. Enfin, je sais pas si t'avais noté la corde ou pas à part, non. Mais... Ouais, t'as une corde. Donc, Elle valait le coup, celle-là. C'était celle de mon père. Et donc, tant mieux que mal, j'essaye de me relever et de me diriger. Clopin, quoi. En espérant que je vais trouver de l'aide plus loin. Même si t'as cassé la tête de la flèche, ça machin, enfin déjà rien que le mouvement et tout ça, enfin ça saigne quoi. Ça a pas traversé, mais ça saigne. Ça s'est logé contre l'os en fait, gentiment. Il y a du monde aussi. Gentiment. Ah ben soit tu fais le grand tour, donc tu marches pendant un moment, donc tu douilles pendant un moment. Non mais juste au côté de moi. Il y a des gens ou pas? Il y a des gens qui passent, mais ils suivent la procession, ils sont pas forcément concentrés sur toi. Ta gueule, non, si, si, t'as quand même repéré quelques gens qui sont retournés vers toi et qui ont ricané, tu vois. Ouais, pas le genre de gens qui ont. T'entends même peut-être blaireau, tu vois. Voire belette. Je suis peut-être bête, mais j'ai un peu penaud, je me dis. Non, belette. T'entends un barde au loin. La belette se chut dans non, le, dans le champ. Là, t'entends trois notes comme ça qui te font pas plaisir, tu vois, je genre. Je calcule pas, je fais la mèche, je vers mon tu contournes ou tu fends la foule, quoi? Mais tu m'as dit qu'il y avait la foule au milieu. Mais en fait, il y a tous les gens qui sont en train de rentrer. Ouais, ouais, il y a... Grosso modo. Mais attends, je peux te le dessiner. La foule... Alors, attends... Non, ouais, c'est compact là, en fait. Ouais. Ouais. La foule... Là, il était là, je pense. Ouais, t'es là, t'as sauté ici. La foule est compacte tout autour. Et eux, ils sont... Ouais, j'avais oublié les habitations, parce qu'on peut passer par les rues, tout ça. Mais le stand de tir était ici. Ouais. Et il y a des gens amassés, quoi. Donc, non, toi, t'étais de ce côté-là, d'ailleurs. Pas de ce côté-là. Okay. T'as sauté par ici. Et soit tu dois traverser la foule, soit tu repasses le long des murailles, tu fais un grand tour. Quand on est, parce que là, c'est des petites rues, tout ça, machin, ouais, la foule est amassée. Ouais. Et nous, on va... Enfin, tu sais que si tu dois traverser, comme c'est collé à collé, tu vas te faire chahuter et ça risque de te... Enfin, ouais, tu vas douiller, quoi. Mais en fait, j'ai pas tout ça, j'ai pas la solution la plus simple, enfin, celle où je vais pas avoir à forcer, quoi. Si, mais pas... Ok, tu commences à faire le tour. Ouais. J'allais insulter le garde au moment où je l'ai vu. Enfin, t'as dit, je suis curieuse, ok, ouais. Voilà. Et du coup, je cours après Is. Il est là, l'artifice, en fait, parce que sinon, t'aurais pas pu le voir. Ouais, c'est ça. Du coup, je laisse tomber mes insultes, et je lui cours après pour lui dire que l'Aïssan s'est cassé la gueule, quoi. Ok, alors avant que tu commences à courir, à rattraper tout ça, machin, je vais faire ton après. Tu remontes jusqu'aux charrettes, ouais. Ok, tu... Comment je te faire jouer ça? Sur quoi je vais te faire jouer ça? Tu vas au triple galop, enfin j'ai compris que c'était pour aider plus ou moins, mais... Ben c'est pour aider et puis commencer à engager une discussion pour pouvoir parler avec les petits hommes rouges. C'est comme t'as un peu tous les gens qui vont vers la procession en contre-courant, tu vois. D'accord? Ouais, ça... Et nous on était vraiment au niveau des gardes. Regardez, comme ils avaient resserré, les gens s'étaient décalés, mais nous on allait dans le sens. On était vraiment collés aux gardes, donc il y avait des gens dans l'autre sens. Mais si tu veux, vous étiez arrivés par là, les artificiers déménagent de l'autre côté de la procession. Mmh. Donc si vous voulez traverser, tous les gens qui étaient là autour continuent à passer vers là. Ouais, ouais, mais on avait attendu ça. On avait attendu En fait, je voulais juste savoir si vous spiez pour qu'ils aient pas fini avant que t'arrives, ou si c'est pas grave s'ils ont quasiment fini de ranger. Tu vois que les mecs, quand tu marches à côté des gardes, en fait, tu vois que les mecs sont super organisés, quoi. Ils démontent les trucs, ça se démonte en tout petits trucs, ils font des espèces de fagots. Il y en a qui sont chargés de porter les fagots. Ils me pressaient, quoi, parce que si je vois pas leur système. Le principe, c'est de comprendre le système mécanisme, l'horlogerie, comment la. Enfin, tout. Observer comment ça. Ça, tu l'as vu, il n'y a pas d'horlogerie, c'est eux qui font l'allumage. Ouais, ouais. Il y a un timing. L'organisation, le transport, la poudre noire, tout ça. C'est observateur de comment ils font, quoi, parce que du coup, c'est quand même super intéressant. Ok. Du coup, moyen. T'arrives aux charrettes, tu remontes les gens, péniblement. Ouais. Et toi aussi, c'est pareil, hein, t'as les gens à remonter pour le suivre, même si t'as essayé de forcer. Et quand t'arrives sur le bord, il y a, tu vois qu'il y a des, déjà il y a une bonne vingtaine, trentaine de charrettes. Ouais. Et les mecs doivent être au moins une cinquantaine, mecs en rouge. Et ils ont quasiment fini de charger quand t'arrives. Oh putain. Ah les mecs, efficaces, quoi. Ça, et c'est en fait, bien. La milice fait. La milice finit le, ça fait un tunnel. Ils protègent en fait leur passage, tu vois. Il y a une espèce de carré autour des charrettes et qui est ouvert que sur l'arrière. Quoi. Il y a juste deux mecs qui sont à l'arrière comme ça. D'accord. Ils ont, en fait, ils ont une espèce de petite zone, si tu veux, avec des tentes et tout ça posées, genre comme s'ils habitaient là en fait, avec tentes posées tout ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que c'était pas des charrettes, c'était des chariots bâchés. Ils remplissent des chariots bâchés. Oui, quand même. Donc t'arrives là et donc soit t'as la milice, tu te remets face à un mur de milice, à discuter avec eux, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils vont te laisser passer ou quoi. Et voilà, soit tu essaies de contourner, soit tu essaies de faire. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Non, je sais, j'ai les alpagues, messieurs et tout. J'aimerais bien apprendre un petit peu, là. Je fais mon tour là. Tu parles aux miliciens là? Non, je parle aux mecs derrière. Ouais, je les appelle. D'accord. Ouais, ouais, monsieur et tout. Ok. Et mon gars, t'es pas obligé de me crier dans l'oreille, qu'est-ce qu'il y a Non, non, c'est juste que j'étais pas sûr que vous m'entendiez avec ces grands hommes-là à boucher le passage. Oui, je fais mon tour et je suis fort intéressé par ce que vous faites. Surtout sur votre travail de la poudre noire, comment vous organisez, les mélanges... C'est bon. Fredor ! Il y a une groupie, là ! Fredor ! Tu vois un mec encapuchonné qui arrive. Quand il se rapproche, tu vois qu'il a deux bandes noires, assez larges quand même, sur la manche. Gauche. D'accord. Il arrive, et en fait, c'est un Elflin, en fait. Ouais, c'est un delphine. Longues oreilles, un peu la peau jaune, enfin pas jaune, blanche verdâtre. Et il parle comme ça. Oui, qu'est-ce que je peux pour vous? Dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Je suis artisan. Il sort une mini clepsydre, il va. Dépêchez-vous, je n'ai pas trop le temps. Je suis un artisan et j'ai fait une arme à feu là. Et votre principe de feu d'artifice, j'avais pas vu ça souvent. Et j'étais très intéressé de voir comment vous utilisiez la poudre, quel est votre déclenchement, comment vous faisiez vos mélanges. Vous savez, je n'ai pas trop le temps pour ça. Vous voulez pas repasser en fin de célébration plutôt avant qu'on parte? Bien sûr, bien sûr. Parce que là, surtout que vous rejoindre quand et quel jour. Comprenez bien que nous, c'est pour le plaisir et le divertissement des plus jeunes et des plus grands. D'autant plus si je pas... faire ça pour mes. Nous ne faisons pas ça pour tuer. Vous comprenez? Non, mais. Tu vois qu'il est un peu aigri le fait que t'aies montré l'arme à feu et tout. Il a regardé d'un air dédaigneux. Je comprends bien, mais c'est aussi faire des feux d'artifice à la mine, vers chez moi, tout simplement. Des feux d'artifice en mine, ça me semble très peu prudent, mais bon. Mais pour moi aussi, nous pouvons discuter plus avant, plutôt en fin de célébration. Vous savez, nous avons un timing, nous avons plusieurs représentations. Dans 2 jours, donc à la fin des célébrations, dans 3 jours. Dans 3 jours, tout à fait. Féran, qu'est-ce que tu fais? Non, tu la remets dedans. Bon, écoutez, je dois vous laisser. Où c'est que je pourrais vous rejoindre dans 3 jours? Attendez. Mais notre campement est ici. Hein. Nous sommes ici. Dans 3 jours. On reste 1 jour de plus de toute façon après les célébrations toujours pour. Très bien. Pour acheter du matériel, etc. On a des affaires à faire. Merci. À dans 3 jours, mon cher monsieur. Merci. J'arrive à ce moment-là. Il te fait un petit signe de tête et puis il se remet à gueuler. T'entends sa petite voix aiguë. Bon, c'était fort. Les mecs sont super efficaces, quoi. T'arrives à ce moment-là, en fait. T'arrives, tu vois la fin de la discussion, en fait. Is. Quoi? La histoire s'est cassée la gueule. Ça me donne pas. Si y a très surprenant. En fait, tu viens en courant, mais annoncé. La flèche, elle est à 300 mètres, tu l'as vu? Non, t'as pas vu la flèche à 300 mètres. T'as vu la corde et tu es. Enfin, tu peux dire que c'est la histoire qui s'est cassée la gueule, mais tu penses que c'est la histoire à la voix. Il y a des chances que la histoire soit cassée la gueule de 3,50 m. Oui, c'est ça. Moi, je suis loin, j'imagine encore. Le mec prend ses épaules. Mais pourquoi aller l'aider? J'ai plein de choses à faire, moi. T'as réussi à parler anglais? Ouais, j'ai rendez-vous dans 3 jours. Alors, quoi? Donc, t'as plus rien à faire pendant 3 jours. On va aller chercher la liste? Attends, je sais pas quelle heure il est. Il est peut-être 2h du matin. Dans 2h, je vais travailler. Je vais partir. Tu vois, je veux dire, je m'en fous de ton. Non, il est pas 2h du matin. Il est. Les célébrations étaient à minuit. Ça, il est. Le temps que tu remontes et tout, ouais, ça a quand même été galère. Il est quasiment 1h du matin. Quasiment 1h, ouais. Ça durait 20 minutes de feu d'artifice. Oui, feu d'artifice, et ça commençait à minuit en fait. Dessus. Donc tu veux pas aller l'aider? Mais l'aider à quoi faire? Et c'est tout, il est en train de crever. Mais t'es sûr? Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de vigueur. J'ai entendu hurler en fait. Descends donc. De la police. T'es sûr que c'était 03? Bah, okay. Sa voix. Vous le voyez arriver, il vous a rejoint. Il serre les dents. Vous voyez, à chaque pas qu'il... Je crois que t'avais raison. À chaque pas qu'il pose, vous voyez le petit faux de sang. Vous le voyez arriver comme ça. Il va mourir. Non, mais genre, il serre les dents, quand même. Tu peux me refaire un des 6 points de vie, en moins, quand même. Putain, mais... Il va lui prendre une baby-sitter, à chaque fois. Pour le kid, ce mec, il vient, il bricole, quand même. J'ai pris chat sur la... sur la chute. Comment t'as fait ça? Sur le voyage, ça fait... Comment t'as fait ça? Bon, je crois que j'ai un petit souci, je vais avoir besoin de vous. Attends, la bonne nouvelle, c'est que du temps que t'arrives, ça a commencé à coaguler un peu. Ah. Autour du truc en métal, là. Je sens... Ça a commencé à coaguler. Il a laissé la pointe dans sa jambe. Ouais, il a cassé la rampe, en fait. Hein, je cherchais à vous rejoindre, je me suis un peu fait mal. Hein? Il lui reste une partie attends, en faisant quelque chose de très écoute, simple, écoute, mec, je comprends pas, je te kiffe, t'es devant l'apothicaire, tu reviens, t'es en sang. C'est quoi cet apothicaire, mec, il a besoin de ton sang, quoi? C'est quoi cet apothicaire? C'est un jet d'agilité, enfin. J'ai juste voulu descendre. J'ai d'agilité pour pouvoir le choper. Éviter la foule. C'est quoi, j'ai attends, non, parce que déjà, je veux savoir s'il se laisse faire en fait. Pendant qu'il parle et tout. Ouais, pendant qu'il parle, je réfléchis même pas. Ok, alors j'ai d'agilité pour le faire. C'est quoi, agilité? Dextérité, ouais. Oh non. J'ai plus de feu qui marche ou quoi? Donc, je vais certainement avoir besoin de vous. Parce que. 17 sur 5. L'apothicaire vient de me confirmer qu'il faut que nous. Pendant que t'es en train de parler. Elle t'enfonce un peu plus la hanche, la flèche dans la jambe. Caaaaaah! Tu douilles, tu me relances un des 4 dégâts. Putain. Ah, seul! Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Mais je voulais l'enlever! Là, tu commences à flageoler, je sais pas combien t'es de points de vie, mais... 18. sur 28. Mais voilà, tu commences à flageoler un peu, tu vois, t'es... Oh, tchao, qu'est-ce que tu sais. Mais je voulais lui enlever la flèche tant qu'il est limite obligé de t'agenouiller. 2-3 points près, t'es obligé de t'agenouiller. J'aurais très bien pu me débrouiller tout seul. Attends, j'aimerais comprendre. C'est pas possible. Il est où le cuistot? Voilà. Il y a un sac mètre valable depuis 4 jours, c'est le cuistot. Qu'est-ce que vous faites? Mais le cuistot, il nous a pas suivi, il est parti se pioter. Là je voulais vous rejoindre, j'ai fait une petite connerie. Et maintenant, c'est encore pire grâce à mademoiselle là. Je voulais juste t'aider. Bon, en attendant, faut aller cueillir des fleurs dans de la merde. Non, vous allez le faire à ma place. Non, on va aller voir la boutiquière là, mec, parce que là tu pisses le sang, mon pauvre. On dirait une vache qui pisse, quoi. Mais vraiment là. Je vais essayer de lui enlever la flèche déjà. Mais non, il vaut mieux qu'il la garde. Si tu lui enlèves, il va pisser une sorte de champ. Je peux la cautériser, la plaie. Allons voir l'apothicaire, il sera peut-être mieux que toi à soigner, quoi, c'est sûr. Tu crois qu'il a les moyens de revenir chez voir l'apothicaire? Je m'en fous, il va pas le laisser crever sur place, c'est un ami à Damélian. Réfléchir un peu. Tu veux lui retirer une flèche. Et tout pour qu'il pisse le sang et qu'il meure avant qu'on l'amène à l'apothicaire. Avec la procession, je suis peut-être con, mais c'est pas pour rien que je suis en fait, t'es déjà mort, on laisse moi que Vasquez, quoi. Après, pour parler, tu vois, un miliciel qui sort un collier, en fait, son truc, il a deux sifflets dessus, un sifflet rouge et un sifflet jaune. Il va pour prendre le sifflet jaune, il t'avise comme ça, il te regarde bien, puis il se ressaisit le temps comme ça. Et il a un petit sourire, quoi. Un petit sourire d'enculé, en fait. Et le sifflet... J'essaie de lui voler son sifflet. Il est autour du cou. Rien à foutre. Ok, moins 60. En quoi? En vol? Ou bien en vol à tir, En vol à tir ou en fouille? Non, pas en fouille. Donc... Ah ouais, non, laisse tomber. Je t'explique. J'ai 8 en vol à la tire. Tu l'as dit, tu le fais quand même. On va ça plus tard, on va... Mais non, c'est important. Il faut aller à la montagne rouge le plus vite possible, avant la fête là. Ah mais non, mais je vais rater mon concours de tir là. Mais que de choix. Qu'est-ce que je dois faire? Il t'attrape la main. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il tord le bras. Il essaye de casser le coude, en fait. En fait, on est en train de voir s'il fait défoncer la gueule. Oui, non, on est en train de discuter. Je fais quoi? Non, mais je suis en train de regarder la situation. Il n'arrive pas à casser le coude, mais il te plie. Il voulait vraiment te le casser, tu l'as vu dans son intention. Mais il te plie le coude, tu fais « Dégage maintenant, putain d'elfe, quoi !» Commence bien s'énerver. Putain d'elfe, il crache par terre à côté de lui. T'as son collègue comme ça, qui est un peu vénère aussi sur sa droite, sur sa gauche, qui s'agite aussi. Qu'est-ce que tu prends? Je l'attrape par le colbac. Allez plus loin, qu'est-ce que vous faites par ici? Dégage! En fait, je la prends, hein, je la jette, quoi, tu vois. Vraiment, je suis énervé, putain. Laisse pas ton petit copain crever à côté de nous, là. Dégagez, maintenant. T'as vraiment envie qu'il crève, hein. Tu mets la main sur ton arme? Ouais. Je commence à m'énerver, t'es une raciste. Non, je suis à côté de la main. Il te voit, il regarde ta main, il se met sur son arme, il met même pas la main sur son... Il peut pas la voir, je l'ai dans le dos. Il voit que tu mets ta main dans ton dos, il te regarde comme ça. Il lève les sourcils comme ça. T'as de la chance qu'il soit blessé. Dégagez maintenant. Tu peux pas amener les secours? Ouais, c'est ça. J'ai pas envie. Donc, moi j'étais plutôt orienté à... Il devrait pas y avoir des miniciens. En train d'essayer de lui expliquer. Donc, j'ai pas suivi là. Mais qu'est-ce que je veux dire, mon pote? Tu peux faire un jet de chance par contre. Hein? Les nains, les elfes, c'est pareil. J'ai 6ème sens. Il devrait être correct avec toi. On a plein de choses. 5, j'ai 13. Bon, on fait quoi avec lui? Il est en train de crever. Il a la position, on a jamais rien à la perception avant. J'ai de perception de Fredon pour voir si. Pas Fredon, Ferdon. Donc, il faut faire quelque chose. Quand il soit, ça passe. Ouais, t'as le mec à qui t'as parlé, en fait, encapuchonné en rouge, ça qui arrive. Ouah, c'est quoi ça, ce truc? Putain, c'est une vilaine blessure, ça. C'est une vilaine blessure, ça, putain. Occupez-vous de lui. Tu vois qu'il y a des humains qui sont chargés de... Enfin, de s'occuper de ça. Ouais, ils ont des bandages, ça. Enfin, c'est des mecs habillés en prêtre, par contre. Une potion de soin, ça peut lui faire quelque chose sur sa plaie ou pas du tout? Alors, potion de soin comment? Non, point de vie, ça lui fait récupérer les points de vie. Sur sa plaie, non, il faut enlever, bander. Là, tu vois les médecins arriver et toi, tu veux me soigner. J'ai vite que. Il y a des... Alors, c'est pas des médecins, c'est genre des mecs qui repoussent des trucs, quoi, mais. Ouais, enfin, pour moi, c'est des prêtres. Ils vont essayer de te le sortir en douceur, donc je te préfère avec force aussi, parce que c'est un petit peu. C'est plus de la médecine. Non, de l'agilité, pour pas te faire mal. Dextérité. Dextérité, pardon. C'est 13. Wow. Ok, nickel. Tu sens rien. Ah, ben, j'y arrive mieux que toi, hein. Non, moi, j'ai aucune compétence. Il le tourne comme ça, nickel. Tu sens rien, alors que quand tu vois qu'il sort le... Le harpon. Il sort le, ouais, le harpon. Il y a quand même des bouts cassés. Ouais. Il y a quand même des bouts cassés, tu vois, des parties brisées. Que ça faisait quand même... Ça aurait dû te couper, en fait, à la sortie. Ouais. Tu peux déjà gagner un des 4 points de PV. Oh putain, mec. 3. Attends, il a arrêté l'hémorragie et tout en la sortant, mais je fais un peu. Il a arrêté l'hémorragie et tout en la sortant. Il faut qu'il fasse moins de 70 pour te. Il te recoud en fait. Il n'a pas le choix, il est obligé de te recoudre. Enfin, il nettoie l'eau, ouais, le bandage, machin. Il recoud et il met un bandage. 51. Ok, c'est bon. Il te fait un bandage, nickel. Tu peux regagner. Bon. Il te dit là maintenant il va falloir du repos. Donc, t'as quand même perdu pas mal de sang. D'accord. Donc mon avis de presque médecin, c'est c'est du repos là. Pas mal de temps, il faut que je me repose. Écoute, passe chez l'apothicaire et prends la pâte pour cicatriser quoi. Ça tu l'as dit. Ben oui, j'ai dit. Le but c'était d'aller chez l'apothicaire. Tu vas avec cette foule, on va entre elle qui pique le truc du sifflet, que je dis qu'il faut aller chez l'apothicaire, qu'il faut aller attendre. Mais merci bien, messieurs. En tout cas, il te dit demande du baume d'agrimoine en fait à l'apothicaire. Passer dessus, ça aidera à la cicatrisation. Voilà, du coup, c'est repassé. Ça évitera l'infection aussi. Merci, mais je retourne le voir. Je pense qu'il me fera certainement un prix sur ce. Vous faites quoi pendant ça? On les regarde. On regarde un peu la situation dépité, quoi. Tu peux quand même lui donner si t'as une potion de santé, tu peux lui donner une potion de santé si tu veux. Non. Pas de... Du coup. Il a été soigné. Il va tu lui donnes pas? Non. Il le sait pas en même temps. Non, il le sait pas. Non. Ici. Ouais, tu mets un moins à ton alignement. C'est où? Oh, ça fait mal. Je mets quoi? Un moins à côté de ton alignement. La nuance est en haut. C'est 3 moins ou 3 plus te font passer à l'élément supérieur. Mais quand t'es bon. Inférieur ou supérieur. Et quand t'es bon, tu peux pas faire plus bonbon. Tu peux être bon plus. Tu peux être bon plus. D'accord. Ça te permet d'être bon même si tu fais des moins. Si ça te fait 6, quand t'es bon plus, tu peux être mauvais 6 fois. C'est quand même un gros avantage, bien sûr. Être bon plus, c'est quand même un gros avantage. Okay. Bon, pas que pour ça, parce que ça... Enfin, bon, ouais. Écoute, là, non, maintenant qu'il est soigné, il n'y a plus vraiment... T'as besoin d'aide pour marcher, quand même. Ah, d'accord. J'ai pas noté mon... C'est bon, mais je sais plus si c'est... Ton alignement ? Si c'est neutre, je sais plus. Neutre ? C'est toujours une attention. Du coup. Qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dépité. Vraiment. J'ai l'impression d'aller avec deux bras cassés. Je suis assis par terre et il est en train de. Le temps que, parce qu'ils ont pris un peu de temps à le soigner, tout ça, machin, le temps que tout se passe et tout, il est déjà 1h30. Ok, discussion. Là, je m'arrête 5 minutes. Je prends du tabac, je remets du tabac dans la pipe et ça marche. Je suis en train de bouillir à la place des gardes. Ça t'apaise un petit peu, tu vois, ça te rappelle... Ça t'avait stressé, cette situation, mais ça te rappelle quand même ta petite mine, là, tu vois, ton petit cocon de nain, on va dire, entre guillemets. Ouais, puis là, j'ai une peu d'artifice, je pense un peu d'artifice, mais quand même, putain, dans 3 jours, là, ne serait-ce que voir les différents systèmes de détonation et tout, la mécanique et tout, ça me fait rêver, quoi. Je réfléchis à ça et tout. Bon, alors maintenant, il faut faire quoi? Qu'est-ce que vous deviez faire, à la base? Mais là, pour ma part, faudrait que je retourne voir le poste. Je boue intérieurement à cause des gardes et je suis assise par terre. De quoi, vas-y. Vous êtes éloigné ou pas du tout? Pour l'apothicaire, pour lui prendre. Non, il faut pas qu'il bouge. Un baume d'agrimoine, parce que sinon, j'attends d'attendre ça. Je pense bien aller le voir. Je pense faire le tour. Les gardes se repartent en fait. De toute façon, l'apothicaire est du côté de charade. Et à côté des gardes qui restent autour de leur campement. Côté de la, et la les autres gardes suivent les artificiers qui vont ailleurs. Que j'arrive à faire. Certainement s'installer comme ils avaient dit, parce que je suis en pas passer dans le village. Pour s'installer ailleurs dans le. Voilà. Ils contournent la ville, en fait, ils passent pas dans la ville. M'avait dit que vers la ville pour s'installer ailleurs pour faire une autre représentation ou autre chose. Donc voilà, je vais aller voir l'apothicaire et je serai à 3h. Il n'y a plus le garde qui vous a. Il n'y a plus les gardes qui vous ont un peu touché. Ils ont suivi. Ils avaient besoin de marcher pour s'aller. Ah, tu restes ici. Eh, moi, je suis ici, à 4 ans, je commence, il est 1h30. C'est Ferdinand. J'ai bien peur que cette fleur, je ne puisse pas la sacrifier. Celui qui c'est Ferdinand, le mec qui avait les bandes noires, qui a choisi les gardes et tout ça, qui l'accompagnait, qui accompagnait. Et toi, tu restes au camp, Demain, j'ai aussi le concours de tir à l'arc, l'après-midi. Tu vas aller. Moi, je m'énerve un peu, je me lève, énervé, je rentre, j'essaie de faire le tour, chasser les fleurs à côté des deux, je suis énervé, flanqué dans la montagne rouge, sachant que. Donc on a tout de même un gars qui est recherché. Il te voit partir quand même, donc il faut leur dire en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, mais je suis pas en forme pour le faire. L'autre, on sait qu'il est Faïs, il va aller travailler, et moi, il faut que je voulais aller bosser vers 6h du mat', donc j'ai le temps de me reposer un petit peu avant d'y aller, quoi. Ok, mais bon, dans tous les cas, si tu pars, là, comme la foule, c'est un peu... Là où vous êtes, il n'y a plus grand foule, en fait. Il n'y a que, ce que je disais, les gardes qui se mettent autour du camp. Il y a pas mal de gardes qui partent, et il y a un certain nombre de gardes qui sont choisis par Ferdon, donc le mec, l'artificier avec les bandes rouges, voilà, celui qui est venu, qui a dit « Oh, c'est quoi ça, mon gars ?» Et ils partent avec deux charades, et ils contournent la ville, avec d'autres gardes qui les entourent. Et lui-même a choisi les gardes qui vous avez un peu alpagué, qui étaient un petit peu énervés en disant « Ouais, vous avez besoin de marcher, de prendre l'air, toi tu viens. » C'est eux qui ont pas le contrôle des gardes, mais qui leur donnent leurs ordres, en tout cas. Du moins, ils ont tout pouvoir sur les gardes, on dirait. Et voilà, donc vous la voyez partir. Je m'en vais énervé à cause des gardes. Je prends l'air pour essayer de me calmer. Vers où tu pars ? Moi je prends le. Je fais le tour de la ville en fait, mais sur les extérieurs pour essayer donc, de trouver un coin en fait pour dormir par là. Parce que, donc en fait, tu prends un peu la même direction que moi quoi. Vu le temps que je vois. Parce vu le temps que si je dois aller bosser à 6h, ça sert à rien que je retourne chez Eliane pour revenir après, perdre du temps autant que je dors pas loin quoi. Essayer de me trouver un coin dans un champ où je peux me caler pour dormir. Ok. Moi je suis là du coup là. Perception, enfin tu veux dormir à l'arrache quoi comme ça. Ah oui bien sûr. Dans le froid et dans l'hiver, dans la fin de l'hiver. Je suis un elfe qui a vécu toute sa vie en forêt. Ok. Tu trouveras pas de forêt. La première forêt ça à l'est, il y a quand même un petit peu de marche. Ça passe. 49 sur 80. Je la vois partir en fait, tout simplement. Enfin, vous pouvez interagir quand même pas, hein. Vous la voyez non, partir. Non, ouais, moi j'ai dit, moi je bosse dans pas longtemps là, et donc du coup je vais suivre la procession dès que je trouve un stand de jeu de dés ou un truc à enfoncer des clous. je vais m'amuser un peu avant d'aller commencer à travailler quoi. Mais je te dis à demain, je vais la suivre un peu, je vais faire ce que j'ai dit. Je comprends pas trop là, tu viens me dire il y a 5 minutes que je vais voir l'apothicaire, mais elle parle à la direction que je comptais aller. Et elle va dans le champ, elle. Non, moi je vais, là on est là, je vais par là, je vais dans les champs quoi, je reste, enfin on est... C'est moi qui un peu ce que je compte faire pour passer par là, en fait, pour éviter la foule. Mais t'as une jambe en moins, mec. Tu passes par où ? Par là. Ok, ouais, tu contournes, mais quand même en fait. Ouais, c'est ça. Mais sauf que moi j'essayais plus de me mettre dans les champs, tu vois, pour m'éloigner du bruit et tout, de la foule. Alors, sur le côté ouest de la ville, tous les champs qui sont là, tout est toujours en pente, montante. Enfin, en côte, quoi. Ok. Et de l'autre côté, parce que du coup, si on est là, je vois les deux côtés. Ouais, tout à fait. Et là, il y a quoi ? Là, c'est plutôt dégagé, et plus loin, t'as un départ de forêt. Enfin, au loin, tu peux... Qui se découpe sur l'horizon et sur les étoiles, tu peux voir le... Non, mais je vais dans les champs essayer de me caler. Ok, enfin c'est plus de la prairie en fait que des champs, c'est pas vraiment exploité. Ouais, voilà, mais dans la prairie, me caler... Ok, ouais, t'as réussi ton jeu de perception, donc tu trouves un... C'est pas que je suis. Un coin pour te caler, ouais. Moi, je pars. Toi, tu contournes par sur le côté. Ouais, je sais... Ok, bah tu suis le chariot de... Enfin, vous séparez tous, vous êtes tous mis d'accord, hein. Bah oui, là, moi, okay. Oui. De toute façon, moi, je vais lui, part par là, elle part par là, et moi, je pars par là pour... Toi, tu pars pour te piéter. Pour me piéter, le temps de jusqu'à 6h du mat' pour aller chez le grossiste. Ok. T'avais lié, n'a pas encore dormi. Moi, je cherche à aller voir la boutique. Non, c'est ça, je dors sur place. Donc, voilà. Et donc, tu re-rentres en ville? Ouais, mais par là. Attends, tu cherches pour aller à l'apothicaire? Ouais. Je savais que par cette entrée, l'apothicaire, il était plus près. Ouais, ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché à éviter, parce que je sais aussi que Damélian est garé par là, et mon but, c'est d'arriver, il y a à peu près 1h30, tu nous as dit, je sais qu'elle part à 3h30, et mon but, c'est d'arriver à l'apothicaire pour essayer de lui acheter ça. Sans argent. Ok. D'accord. Ok, ok. C'est la galère quand même, parce que le camp de Roumanie, il est blindé, il y a au taquet de monde, etc. Il a aussi doublé, voire triplé de volume. Il y a même, tu vois encore des charrettes qui arrivent, des cars, ouais, des carrioles. Je suis un généreux donateur de la bouffe populaire. De tous les côtés, tu te fais alpaguer. On essaye de te vendre des petits cigarios, on essaye de te vendre du tabac, on essaye de te vendre de la bière, oui, c'est pas à la chope. Il y a une diseuse de bonnes aventures qui s'approche de toi. Voulez-vous que je regarde vos lignes de la main? Je vous tire les cartes. Non, madame, j'ai bien peur de pas avoir le temps. Je me rends à la boutique. Je sens que vous êtes mal en point. Voulez-vous en savoir plus? Je sais très bien pourquoi je vais pas bien. Mais très bien, très bien. Bon, bah, du coup, t'arrives à l'apothicaire. C'est la rue, quand tu passes par là, ouais. La rue est beaucoup plus dégagée que quand vous êtes arrivé, en fait. Bah, de toute façon, tu vois la plupart des gens, enfin, il y a peu de gens qui remontent vers toi, il y a plus des gens qui s'éloignent dans cette direction, vers le coin des temples, là. La procession est arrivée entre-temps, tout ça, machin. Je vais rentrer chez l'apothicaire. C'est toujours l'étal devant, il est toujours debout. Il y a toujours beaucoup de monde Non, ça va, un des six personnes. Il y a 5 personnes devant toi. Il y en a un qui a l'air de chipoter avec des petites lunettes et un truc. J'espère que cette année il va pas avoir raqué. 60 centimes près. Un mec un peu chiant. Toi, du coup, moi, le premier stand où je vois des gens jouer au dé, je m'arrête. Ok. Il y a des trucs de dé partout. Pareil, t'avais dit le truc du coup. Il y a des jeux de force partout. Il y a un truc où il faut taper. Pour taper une cloche, il y a un truc où il faut viser pour faire tomber un mec dans un pack d'eau. Non, mais je vais commencer par les dégâts. J'ai commencé par les dégâts. Ok. Ben, Yaté. T'as tes D6? Ouais, j'ai les 3D6. Ok, faut que j'en sorte. Tu vois, si, lance-moi. Non, c'est 5, c'est 5D6. 5D6, ok. Lance-moi des 100 quand même. Non, lance-moi un. Attends, pardon, excuse-moi. Enfin, lance-moi, laisse-moi retrouver mon truc. C'est là. Parce que mine de rien, avec mon œil machin, là, je perçois pas très bien tout le truc qui m'entoure. Pareil, faut toujours que je tourne la tête vers moi. Ah bah oui, hein, t'as un œil en moi. Ouais, lance-moi le D4 déjà. Alors, c'est un homme ou une femme. Je vais simplifier le truc. 2, c'est un homme. Descend. Tu les enchaînes les 3. Ok, pareil, âge indéfinissable. Donc des 12, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas. Si, je ne savais pas. Des 12. Des 12. Il l'a pas. Lui, il l'a pas. Après, ce sera un D8. 12. C'est un elfe. T'as pas croisé beaucoup, franchement. C'est très rare. C'est pour ça qu'il a pu s'asseoir là, parce que personne ne sait s'asseoir. C'est un peu ça en fait. Il y a un mec qui jouait contre lui, et quand tu l'as croisé qu'il est parti, c'était un humain, un vieux. Quand tu l'as croisé qu'il est parti, il bougonnait dans sa barre en disant des elfes, tous des arnaqueurs. Et donc tu t'assois, machin. C'est un elfe qui est pas entre deux âges, mais âge indéfinissable. Genre cheveux d'une couleur genre bleue, spécial. Et juste un D8, donc. Pour savoir ce qu'il fait. 3. Ok. Là, c'est un mec qui a... Il est en tenue de trappeur, tu vois. Il a un arc posé dans un coin. Et juste... Il fait bon... Alors mon gars, c'est quoi? Comment tu fais la mine? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux parler? Je suis plutôt en veine ce soir, hein, je te préviens. Ouais, j'ai cru voir, hein, le mec de mon dos, il avait pas l'air très content. Ça a dû gagner un petit peu, quoi. Pourquoi il arrivait à peine à lire les dés, je te raconte même pas. C'était un jeu d'enfant avec lui. Ah bon, alors. qu'est-ce que t'en dis pour deux petites pièces de bronze? Quand c'est les bronzes, c'est quoi le nom? Les bottes. Plusieurs, les bottes. Les bottes, les lunes et les sols, c'est ça. Pour deux bottes? Ah, t'es pas joueur. Deux bottes, allez. T'es pas joueur, je jouerai une lune, quoi. Une lune? Je viens de jouer une lune avec le vieux. Il y en a qui sont chauds, ouais. Allez, bah, je démarre doucement, on sait jamais comment elle amène. Ok, écoute, je te laisse commencer. Allez. Attends. T'es pas prêtre de la chance, quand même. Non. Ok, vas-y, joue. Et toi? Non, moi je suis chasseur. Ah, ça se voit, t'es un petit peu trappeur, on dirait. Je suis, je suis venu vendre mes peaux au tanner, qui est assez connu. Ah ouais? Mmh. Ah, et tu chasses quel type de peau? Toutes les peaux, mais j'ai vendu une peau d'ours. Une peau d'ours bleue, magnifique, enfin, au reflet bleuté, magnifique. Ah oh là là, c'est intéressant. Ça valait tout mon chargement. Ah. J'avais une charrette entière de peau. Il a fait ce que je lui ai demandé avec ça. Ah, ça me ferait bien plaisir. Tu connais les règles du yaté? Je connais les règles du yaté. C'est bien. La grande suite, petite suite, toujours sur 400 et 500, quoi. C'est ça. On arrive à 5000? Allez, faisons une partie à 5000. Après toi. Tu peux faire le fou aussi. Ouais, j'ai hésité. Allez, c'est arrêté pour moi. Je me sens en veine ce soir, tu veux pas savoir. Écoute. Écoute. Ah, il est trop tentant. Tu es d'accord. Il est tentant. Et comme je dis, je suis en veine, alors. Dommage, quoi. Ah là là. Ah, ce dé, j'ai jamais vraiment aimé. Ah. C'est un call porteur qui m'a donné, mais il avait une tête qui ne me revenait pas. Pourtant, tu le gardes toujours en ta main, on dirait. Ah, il faut jouer avec ce qu'on a. Non, mais c'est pas moi, c'est qu'elle me cherche, tu vois. Ah, il te cherche. C'est qu'elle me cherche. Ah là là là là, et si tu commences à piper les dés, attention à toi, hein. J'ai pas pipé les dés. Allez, vas-y. On va peut-être la faire en 2000 points, ça me paraît. Ouais, bien, ouais, ça va, ouais, en 2000 points, allez. Ah, mais t'es grand joueur. Hein. Celle-là, elle est plus facile. Elle est beaucoup plus facile. Il y a 2 chances sur 6 là, attention. Hein. Ah là là là là là là là là là. Allez, fini de jouer maintenant. Allez, vas-y. Sérieux. Ouais. Ah, il prend les points. Eh non, toujours pas. Hein. Ça veut pas sortir. Attends, ça veut pas sortir. Ah, voilà. Ouais. Je crois que j'ai changé mes dés. Allez. On a oublié. Ça tombe, là. 2000 points, c'est plus sérieux aussi. Ah, toujours pas, ça tombe pas. Hein. C'est quoi cette chance? Ouh, c'est tentant aussi, là. Bah oui, mais la suite, elle nous cherche, j'y peux rien, tu vois. Je peux pas le poisson, c'est un peu disparu. Ah oh, putain, c'est pas possible, y'a rien qui tombe. Ils savent pas les règles, hein. Tu joues combien de temps comme ça? Ah putain. Tu joues combien de temps comme ça? Enfin, t'es prêt à jouer combien de temps à ouais, faire il a donné quoi, quoi. Non, parce que ça, je vais jouer à la chance, en fait. Ah, ça sort pas! Si, c'est sorti, là. Ah non, c'est ouais. 5. Non, c'est un 5? Non, c'était 2-4-6. Pour moi, une tierce. Ok, fais-moi un jet de... T'as combien en chance? Chance... C'est un D20, ça. Non? Oui, tout à fait. C'est 6ème sens, pardon, excuse-moi. T'as 10? Ouais. Ok, t'as quand même plus 2. Pour la discussion et tout, oh, il passe un bon moment. Tu restes à combien de temps? Du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Du coup, là, ça a duré un peu longtemps. On va dire bien 15-20 minutes, quoi. 20 minutes, ouais, ça semble logique, quoi. Ok. Déjà, tu gagnes une pièce d'argent. Mais il a remisé après, parce qu'il aime pas perdre, alors... Lance-moi un des 4 pièces d'argent que tu gagnes en plus. Parce qu'il a pu surmiser. Et tu m'as fait un bon jet. 4 pièces d'argent en plus. Ah, je suis en mode ce soir. C'est ce des 4, je crois qu'il est pipé, il fait que des 4. Non, j'ai fait un 2 et un 3 tout à l'heure. Le dé était pourri. Arrête, il est sorti, ça. Du coup, je suis bien en mode ce soir, vous me faites bien plaisir. Dites-moi, venez voir chez le forgeron, peut-être que je pourrais vous trouver un petit piège à votre goût, quoi. Chez Norbure ? Ouais. Ouais, je connais pas trop, on en a parlé. Oh, passez, je vais commencer à travailler à 4 heures, si vous avez le temps, passez vite fait. Ok, ok, ouais, de toute façon, moi je suis là pour profiter, donc là c'est 3 jours de fête. Hein. Très bien. C'est possible que je passe, je te dis pas dans quel état. Ah, bah là, c'est pas grave, tu m'offriras une petite pâte à boire, hein. Écoute, avec ce que tu m'as pris, tu peux déjà t'en offrir une sur le trajet du retour. C'est vrai, c'est bien, ouais, c'est la meilleure chose que je vais faire. J'ai gagné ma soirée. À défaut, comme tu m'as un petit peu plumé, tu me dépannerais un peu de tabac. Je te dépanne un peu de tabac et tout, et là je sors sympa. Au moins pour 10 pipes, tu vois. Sérieux ? Ouais. Tu fais, ouais, sérieux, putain, c'est vraiment sympa. Goûte ça, fais partager, viens à la mine du bord de la montagne, viens chez nous là-bas. Puis, puis profond. Non, Attends, c'était quoi, là ? J'ai cherché moi aussi, mais j'ai dû tout relire. Putain, on l'a pas marqué ici, il est marqué sur. Puis profond, je suis pas sûr que ce soit ça. Je peux pas te dire, tu vas relire tout ça, allez, je refais. Bah, je peux jouer le RP des autres, hein, Thomas, c'est pas très grave. Vas-y. Moi je me suis couché. Ou j'ai croisé du monde. Ah, toi tu dors. Du monde, il y a du monde partout. Il y a du monde qui. Enfin, quand tu avances comme ça et tout, il y a du monde qui dort dans l'herbe partout autour de toi. Enfin, c'est genre. Tu vois, un festoche, quoi. T'as des endroits, il y a des tentes. Enfin, là, en plus, c'est la prairie, tu vois, c'est pas dans les champs. Les gens respectent assez, ils vont pas dans les champs et tout. Là, c'est la prairie, donc il y a des endroits, t'as des tentes. D'autres endroits, t'as des petits attroupements de carrioles, en fait. 3, 4, 5, 6 carrioles. Des marchands, des trucs bâchés ou des trucs en dur, avec un petit feu de camp au milieu. Des gens qui font la fête. T'entends encore pétarader à droite, à gauche. T'entends... Enfin, c'est plus calme. Tu croises aucun milicien tout seul. Ah, il m'a saoulé. Si, les mecs, il y en a de partout qui patrouillent, en fait. Il m'a saoulé. Il y en a qui patrouillent de partout, toujours par deux. Et ils patrouillent, mais ils sont silencieux, discrets. Non, je m'énerve. Et en plus, ils te regardent pas outre mesure comme ça, tu vois. Ouais, ils ont l'air plutôt sympas. Pas, ils ont l'air sympas, mais ils sont là pour que tout se passe bien, donc tant que tout se passe bien. Oui, ils sont pas là pour faire chier les elfes comme les autres abrutis de tout à l'heure, quoi. Bah, après, c'est aussi la nuit, tu passes dans le noir, donc toi, tu les vois mieux que eux te voient, tu vois. Ouais. Ils regardent vers toi, ils voient une ombre. Toi, tu reconnais que c'est des miliciens, eux, ils voient juste quelqu'un qui passe. Non, je vais m'allonger. T'as pas l'air de fuir, t'as pas l'air de. Tu vois, y a personne à crier au voleur ou au feu. Ok, bah, je trouve un coin pour dormir sans problème. L'apothicaire ? Ben oui, j'imagine que les 5 sont passés. Ouais, les 5 sont passés. Allez, on le. Donc, rebonsoir, je suis là un peu. Encore toi ? Oui. Attends, je sens que ça va me prendre du temps. Hop, tu as la gamine qui arrive. Attends, papa, elle pose sa pipe, elle la tape, elle monte sur le truc, hop, elle commence à. Non, mais. Vous avez pas commencé à parler, il y a déjà presque une dizaine de clients qui sont revenus, elle a alpagué. Eh, mais vous avez pas goûté notre pâte de ginab ? On fait. Mon père fait le meilleur tabac de Yonkos avec sa petite voix et tout. La petite voix de Yonkos ! Ok. Non, je vais pas te prendre trop de temps, en fait. Pas pour toi, prends vraiment genre. Toi, c'est le patron, enfin, c'est Glom, quoi. Ouais. Tu te prends à part. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je comptais pas te prendre du temps, en fait, je voulais juste en tant que client, sauf que je me rends compte qu'il va falloir que tu sois un peu sympa avec moi. Oh là là, je savais que... Quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, il y a des problèmes. En plus, je t'ai vu arriver en boitant, j'ai compris de suite. J'ai fait une petite bêtise ce soir et j'aurais besoin de... Bah tu vois, il y en a qui se pissent sur les godasses, toi, t'as pas raté ton coup. Non, moi je me suis mis une flèche dans la jambe et je me suis un peu éclaté le dos. D'accord, et t'as toujours le droit de te balader avec cette arc dans le dos ? En toute sincérité. Oui, mais la flèche, elle n'a pas été tirée par l'arc. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, j'aurais besoin, si tu pouvais avoir la générosité de ma... Générosité ? Ouah, je suis un machin. Déjà, ce mot me fait peur. D'agrimoine, comme ça, demain, je peux vraiment... Le bon de l'agrimoine ? Non, il n'y a pas de souci, je peux t'en faire. Mais attends, il faut le payer, quand même. Certes, mais moi, je me disais que tu comptais être généreux quand je t'aurais ramené les fleurs. Donc je me disais, un peu de... pour être sûr... Sinon, je peux pas aller la chercher, la fleur. Et c'est dommage pour toi, parce que tu rates tout ça. Et pour moi... Un peu HRP, un peu RP. Là, du coup... Pourquoi ? Pour ma réponse. Ah. Te donner le bonus avant que tu ailles faire la quête, ça me paraît difficile. Non, c'est pas ça que je te demande. Es-tu prêt à jurer que tu iras chercher mes frères ? Je suis prêt. Je suis prêt à te donner, parce que c'est quand même... Attends, je vais te le dire, entre nous, hein, c'est 5 pièces d'or que je le vends. Là, en ce moment, avec la fête, je le vends à 7 pièces d'or. Enfin, 7 soleils d'or. La bombe d'agrimoine. 7 soleils d'or. Mais ça, c'est parce que c'est la célébration et qu'il y a beaucoup de gens. Et que... C'est pour ça qu'il m'en faut, tu comprends? D'accord. Et j'imagine que tu comptais pas me donner autant pour aller chercher quelques fleurs. Écoute, peut-être ça peut se négocier. Tu viens de la part d'Eliane, quand même. Ça peut se négocier. Je peux te le donner avant et te laisser la fleur, quand même. Commencer à arranger au début. La seule chose que je ne peux pas te garantir... Ça sera ton bonus, mais oublie pas que c'était avant la fin des célébrations. Et pas une heure avant, parce qu'il faut quand même que je le prépare. Tu comprends? La fin des célébrations, elle est dans 3 jours. Tout à fait. Et je vois que tu as... Déjà, je t'ai expliqué que c'était un jour de match. Je pense que déjà, tu vas y aller en 3 jours. Je commence déjà un peu à m'inquiéter. Écoute, entre nous, tu sais, je suis pas un mauvais commerçant. Si t'es prêt à jurer sur le dieu de la vérité, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je le vois, t'es prêtre, je pense que tu as la foi. Si t'es prêt à le jurer que tu vas aller le chercher, le bon, je te le donne. Parce que t'aider à cicatriser, c'est vrai que ben, ça me rapporterait des fleurs. Je comprends bien, j'ai le business dans le sens, tu sais. Et tu le vois. Alors. Pour ma part, qu'est-ce qu'il y a en derrière, tu vois? Pour ma part, j'ai un ami qui possède un cheval. C'est pour ça que je pensais que je pouvais y aller un peu plus vite qu'un jour de marche. Un cheval, je pense que je vais très bon temps. Mais je sais pas trop. Ouais. Et tu peux le jurer sur. Je peux te jurer que je ferai de mon mieux pour te donner ces fleurs en temps et en heure. C'est pas ça la forêt de le consacrer. Certes, mais je vais pas te jurer sur la déesse de la vérité que tu auras tes fleurs alors que je ne suis même pas... Non, mais tu peux me jurer sur la déesse d'Oenta que tu vas essayer de au moins aller chercher les fleurs, que je ne misais pas sur un mauvais cheval, tu comprends? Ah oui, non, mais c'est... Que tu vas tout faire pour récupérer les fleurs avant la fin de la célébration, avant les 3 jours. Mon seul but, c'est ça. Je veux pouvoir faire une offrande à la déesse de la nuit pour cette belle fête. Et je sais que tu vas faire plaisir à Dame Eliane. Enfin, voilà. Oui, en fait. À moins que tu aies quelque chose de moins cher qui soit tout aussi efficace et qui me permette de faire... pour ce que t'as. J'ai des feuilles que tu mets sous la langue qui te permettent de respirer sous l'eau, mais tu comprends. Et j'ai du tabac en Corse aussi, il est un peu euphorisant, ça fait passer la douleur, mais c'est pas ça. Oh. Ah, je suis en train de me demander... Non, mais non, je vais pas me mettre au tabac, quand même. Après, j'ai aussi un contraceptif. Je dis pas. Je dis non, ça, j'ai un contraceptif. Non, mais ça marche bien. Je crois pas que pendant la célébration, ça marche. Quoique, contre les ours rouges, là. Je me dis des fois. T'es marrant, si dans la merde, il pousse des fleurs, il pourrait arriver qu'il m'arrive des bêtises. J'aime bien les marrons, quand même. Bon, t'es prêt à le jurer ou pas? Je suis prêt à jurer qu'après le. C'est dans l'endroit de tennis. Ouh, je crois que la soirée a été un peu difficile. Je suis prêt à te jurer. Je vois ça. Je vois ça. T'inquiète pas trop, c'est encore l'entrée. Je vois que ça s'est un petit peu. Je suis prêt à jurer sur Namoend. Attends, je comprends pas très bien. T'es tombé sur la tête ou tu t'es planté un truc dans la jambe? Je sais plus trop. En fait, je suis tombé, je me suis planté un truc. Il y a un truc qui m'est tombé dans la jambe. Enfin, c'est que. Je suis sonné. Oui, certes un peu. Et puis là, il ne me tarde qu'une chose, c'est d'arriver à aller dans la charrette de Améliane pour qu'elle nous ramène dormir. Voilà. Demain matin, je dors. Je fais mon concours de tir à l'arc. Et après le concours de tir à l'arc, j'emprunte le cheval de mon ami Boris, qui est certain. T'en as entendu parler sûrement. Ça fait des jours qu'il est là avec le forgeron à faire des miracles. L'apprenti du forgeron? Oui, oui, tout à fait. C'est voilà. Un petit village, qu'il n'y a pas trop de monde. Non, mais c'est lui qui va certainement me prêter son cheval. Voilà, donc si tout ça, ça se passe bien, je jure que je vais chercher ta fleur en temps et en heure. Ah, t'es prêt à le jurer alors? Oui, je le jure. Tu jures sur la déesse d'Owenta ? Sur la déesse d'Owenta, j'irai chercher ta fleur. Très bien. Il a craché dans sa main. Hein. Très bien. Donc, du coup, le baume, c'est une seule utilisation ou c'est quoi ? Alors, non, pas du tout. Baume d'agrimoine, ça aide à cicatriser n'importe quelle plaie et ça évite l'infection. Et acharpé, si la plaie n'est pas infectée, celui qui s'en est vu passer sur le corps gagne un des 4 PV au terme d'une nuit de repos. Le baume est utilisable en plusieurs fois, selon la taille des plaies. Donc là, t'as utilisé un tiers du baume, en fait. Tu peux t'en passer tous les jours. Oh, ça fait 3 jours, hein. Oh, c'est pas mal, hein. Un des 4, ça va vite. Mais je commence... Quoique là, il y a le bandage, donc pour l'instant, je garde le baume. Oh, ça a été bien réparé. T'es cousu et tout... Ouais, donc je peux enlever et mettre le baume directement la première dose. On dit que j'ai plus que 2 tiers. Disons que même si t'es pas très intelligent, tu comprends que c'est mieux de faire ça avant le repos qu'avant de marcher. Ah oui, toujours. Faire ça avant d'aller au lit, quoi. Ou à défaut d'aller à la charrette quand t'as un peu de temps. Bon, tu vois. Mais par contre, vu que je le ferai ce soir, je marque directement 2 tiers pour pas oublier de l'enlever après, en fait. Écoute, mon gars, j'espère que ça va aller, et puis bon, on est lié par le contrat, hein. Écoute, tu sais où tu veux. Maintenant, je suis censé te ramener tes fleurs, et donc je vais aller me reposer pour que ton baume il agisse. Et donc je me dirige vers la charrette d'Amélia. Ok. Je pense que je me mets dedans, je passe le baume, et je dors. Ça marche. Je crois qu'il va dormir dans la charrette. T'as combien de PV sur... J'ai 21 sur 28. Ok. Toi, par l'instant. À côté, il y a un mec qui est en train de. Justement, quand tu disais le concours de clous, il y a deux mecs en train de se la donner. Il y a du bras de fer sur le côté. Il y a toujours le mec avec ses cloches. Il y a un crachard de feu qui manque d'être enflammé les cheveux alors que. Il y a quand même des gens, ils crachent au ras du sol, tu vois. Enfin, c'est ouf. Ah oui, au ras du sol. Il y a des gens qui jonglent et tout. Il y a des gens qui te passent autour comme ça. Des bardes qui t'abordent pour dire une petite chanson, monseigneur, une petite chanson pour une petite pièce. Merci. Alors, du coup, il y a à peu près que. Messi Galillo. Vous voulez pas Messi Galillo ? Messi Galillo de Sabel. Messi Galillo de Sabel, tu vois. Un petit nain, mais tout foncé, en fait, tout bronzé, tu vois. Pas noir, pas ébène, mais un bon rebeu, quoi. Un bon gros rebeu, tu vois. Un bon gros marocain, quoi. Tranquille. Un nain des suds, quoi. Ouais, ouais. Enfin, il a bien chauffé, il a bien cuit. Mais cigarillos, ils viennent de Salem. Meilleurs cigarillos, tout le monde les achète. C'est pas du tout. Tu as un mec qui passe, cigarillo. Ah attends, je t'en prends deux. Il lui fait une pièce de bronze. Ah non, c'est 2 pièces de bronze, il poursuit un petit peu. Non, la foule et tout ça, machin, le dresseur d'ours. Il a déjà dégagé. Tu vois. Du coup, moi j'étais. Ouais, donc on revient. Ben moi je vais direction la forge en fait, parce que Non, ça va, hein. Enfin, il est super tôt. Il est arrivé à la charrette, il n'y a toujours pas d'Améliane. Améliane, elle part à 3h30. Hein, ouais, c'est à 3h30. Mais, le temps qu'il a dû mettre pour y aller, et lui, le temps qu'il joue, il doit être au moins 2h30. Ouais, voilà, il est 2h30 quoi. Ouais, enfin, elle est toujours pas à la charrette, quoi, je veux dire. Toi, quand t'arrives, elle est. Oui, tu traverses la ville en fait, tu repasses la ville. Donc il y a la procession ici. Bah, tu suis la fin de la procession parce que tous les gens sont allés se masser sur la place des temples. Il y en a pas mal ici aussi. De toute façon, vous voyez qu'il y a de l'agitation sur un peu toutes les places quoi. Et là ici, c'est beaucoup plus dégagé quoi. Même en passant, tu vois l'Aïstan en train de. Enfin, si tu vas direct vers la truc des lianes, tu vois l'Aïstan en train de discuter parce que. Non, du coup, non. Bah, il a joué 15-20 minutes, tu vois. Un petit concours de coups, ça me dit bien, juste pour me remettre. Un petit concours de coups. Ouais, tranquillou là. Ok. C'est en mode gentil, tu vois, c'est celui qui enfonce le clou d'un coup sec sur les deux, mais paye le coup à l'autre. Ça marche, parfait. Allez. Force. À des 20, ça commence mal, déjà passe à des 20. Quoi. Attends, force plus 4 pour toi, forgeron. Ouais, quand même. Et lui en force, ouais, il paraît pas super braque. Tranquille, un petit 11. 10 heures, c'est pas ça. 12, paf! D'un coup. Oh, ah, ça qui paye le coup. Ça paye le coup, allez, hop! Et là, je vais. Le mec qui est juste à côté qui tient le truc, il fait ben. Et deux bières! Allez, tac! Il sert de bière, une pièce de bronze. T'as un joli petit coup de marteau, tu devrais faire du plongeon. Une pièce de bronze, mais la bière qui te sert, c'est un truc. C'est un litre. Voilà, enfin, c'est pas un litre, mais il y a bon 75 d'un coup, quoi. Ouais. Ouais, c'est. Bon, ben. Tiens, va forgeron, applaudissez les clous, quoi. Le tavernier te dit la... Attends, c'est... Non, je suis une connerie. C'est deux pièces de bronze, et il te dit la chope est consignée. C'est une pièce de bronze de chope. Ok. Autant pour moi. Donc j'ai zéro pièce de bronze. Le mec te dit merci. Tac. Oh là là, bah là, tranquillou, je bois ma bière, je joue le flan, je regarde les mecs et tout. Dresseur d'ours, des plein d'étals aussi ambulants, quoi. Tu peux voir un mec avec des fioles, tu peux voir des mecs avec des armes, tu peux voir des mecs en train de charmer des serpents. T'as tout ce que tu veux dans une foire médiévale, en fait. Ok. Et plus, quoi, si affinité. Bah, j'observe un peu tout, quoi. C'est le premier soir, je regarde tous les stands qui peuvent être. Ah, tu te régales, c'est. Je regarde les choses à voir. Hein. Je regarde les mecs qui fabriquent des petits objets, je regarde un peu tout le petit artisanat qui traîne dans les rues, parce qu'il y en a plein à ce moment-là. En passant, tu vois Norbur qui est dehors en train d'affûter des lames, etc., de vendre au passage. T'entends la forge qui tourne derrière aussi. Peut-être sa femme, je sais pas. Donc on arrive devant... Tu passes devant chez Norbur, enfin je sais pas si tu ouais, je vais chez Norbur. Hein. Ah, tu vas chez Norbur? Ah ouais, je me dirige vers, là-dessous, j'attends un peu, je prends une petite bière à côté, voilà. Et quand t'es passé devant Laïs Samsa, Il est pas passé devant. Parce que lui, il était là, et Laïs Samsa, il est là. Non mais non, l'histoire il a été à l'apothicaire. Ouais, l'apothicaire. Et en fait, la charrette est vers là, donc lui il traverse toute la ville. Ouais. Et il le voit à un moment en train de discuter, quoi. Ça veut plus, là, parce que moi, je dois commencer à 4h. Parce que si tu veux, il a joué pendant 15-20 minutes, mais l'Aïstan, il a fait le tour comme ça, et il est revenu. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que... il est où le... Non, mais on s'en fout, à 10 mètres près, c'est quoi le problème? C'est ça. Tu t'arrêtes ou pas quand tu vois l'Aïstan? Enfin, tu... l'Alpag ou tu... Ouais, alors l'Aïstan... Je rappelle quand même qu'il boitait, et qu'il avait, comme j'ai dit quand il est parti, il avait besoin d'être quand même... pas supporté, mais aidé, ou d'avoir une béquille ou un truc, tu vois, pour s'aider, parce que... Il a du mal à faire. Ouais, par exemple. Je sais pas, mais. Oui, je pense que je me suis débrouillé tant bien que mal entre l'arc et la palissade. L'arc comme béquille, ok. Il se tenait à la palissade. C'est pas le mieux quand même. Non, je me tenais sûrement à ce que je pouvais. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça a pu causer des dégâts. T'as pu suivre la palissade en te tenant sur la palissade et après t'as marché. C'est aussi pour ça que j'ai compté qu'il avait eu le temps de jouer au dé, même si la partie était pas terrible. Et que tu y arrives parce que toi tu cloquediques. Okay. Donc tu passes devant. Ouais. Avant d'arriver chez Norbur, quoi qu'il en soit. Bah alors là, l'instant, t'as l'air pas beaucoup mieux en fait que le talent. J'ai pas été voir l'apothicaire et tout, quoi. Oui, mais l'apothicaire, c'est pas un magicien, il m'a vendu un justement, produit. Justement, il a un petit sachet dans sa main, enfin un truc en cuir scellé. Avec de la d'accord, cire. Il m'a vendu un tatouage. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir la médiane? Oui, ben je vais aller dans la chariote, je vais attendre qu'elle voilà, oh, je vais passer le bord. Tu vas bien boire une petite bière avec moi en attendant quand même. Je sais pas à quoi tu joues là, c'est quoi ton truc là? Ah, j'ai rien joué, j'ai juste gagné ma soirée ce soir. Je veux dire, tu vas bien prendre une petite bière avec moi quand même. Bon, allez, une petite bière, il est quoi? Oui, avant que dame. Par contre, il faut que vraiment que je sois dans la chambre. Tiens, je prépare une petite pipe, une petite fume la pipe là, ça va tout gâcher un peu. Par politesse, C'est le tabac, c'est la. Tout seul. Non, pas forcément, fait un jet de vigueur en fait. C'est le tabac des mines du fond perdu. Des fonds perdus, ouais. 33, vigueur 70. Ok, non, carrément, ça fait, non seulement ça te fait pas tousser, mais en plus il est très doux. Justement, il est un petit peu pétillant, tu vois, un petit peu revigorant, gentiment. Mais punaise, mais c'est que tu fumes de la qualité, toi. Tu comptes la ration. Ouais, c'est dégueulasse. Parce que là, c'est... Ouais. Mais là, c'est... limite ça te fait oublier la douleur pendant un petit moment, ça c'est doux. C'est plutôt bien, ouais. Ah bon, tiens, là je vais prendre une bière, je vais ramener de qualité. Je reprends une chope, du coup, donc ça m'enlève un bronze de consigne, j'ai toujours la mienne, hein. Je précise quand même. Un bronze pour les deux bières, ouais. Enfin, un bronze de plus pour la consigne. Et pour la consigne, et du coup, plus de bière, ça m'enlève. Je lui donne une pièce de. Je lui donne une lune et il me rend du coup 7 battes. C'est ça. Moi, j'arrive pas à dormir. Après, vous savez, on a mieux aussi, hein, si vous voulez bien dormir. Non, non, moi je vais aller travailler, moi. Je vais pas aller dormir. Ouais, je vois que ton copain, soit il a trop bu, soit il a pas assez bu, donc. Non, mais là, il pisse le sang déjà, tu vois pas, le mec, il est déjà en train de pisser le sang. C'est justement pour ça que je dis ça. Peut-être qu'il a besoin de faire une bonne nuit. Non, mais un petit truc qui réchauffe, tu vois, un truc qui fait passer la fièvre, quoi. Comment ça, j'ai trop bu. Le truc qu'on met la goutte dans les... sur le sucre pour les enfants, tu vois, tranquille. Ah, la petite goutte, quoi. On verra après, on verra comment. T'es sûr, t'es sûr? Ah, vas-y, alors. Écoute, il m'a l'air tellement mal en point que j'ai envie de lui offrir, quoi. Allez, vas-y, bah si tu l'offres, je lui donne. Ah, je lui offre. Ah, merci bien, mon cher ami. Hop, tiens, je te ramène ta bière, ta petite truc. Celle-là, elle est pour moi. Ah. Oula, mais je vais finir comment, moi? Faut pas que je finisse trop tard. Non, mais t'inquiète, ça vaut. Non, parce qu'après, si je rate la charrette, je suis pas à l'état de rentrer, hein, vous comprenez? Oh merde, c'est toi qui conduis? Non. Franchement, j'allais te mettre double dose, quoi. Donc, ce que tu sais, hein, les vrais connaissants, c'est ceux qui te ramènent chez toi. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Hein. La dernière fois, je suis rentré sur le canasson d'un copain. Hein, heureusement que tu connaissais la route, hein, parce que c'était difficile. Hein. D'ailleurs, en parlant de canasson, je vais avoir besoin du tien. Du mien? Oui, parce que... Quoi, de bourrique, tu parles? Oui, parce que pour avoir mon petit... pour avoir ce petit truc-là, tu vois, il a fallu que je m'engage auprès de l'apothicaire à aller chercher une fleur dans les temps. Sauf que blessé, je ne pourrais pas y arriver dans les temps. Bah, vers là où donc j'aurais besoin que tu me prennes ton cheval de net. Tu sais pas où ils sont, tu peux rejoindre vers Eliane. Non, mais je pourrais... Pourquoi, t'en veux d'autres? Ah, après, on verra. Ah, parce que là, je le propose ton ami, parce que lui, il a un point. Ouais, bien sûr, tac, à la bière. Vas-y, vas-y. Mais tu l'as pas servi, là. C'est là, non, j'ai pas payé. Non, il s'est servi, ouais, il l'a offert, donc. Il s'est servi un verre, il lui a servi un verre. Ah, d'accord. Ça s'appelle les larmes du colosse. Larmes du colosse. Tu vois, ça va bien. Du coup, tu me ramèneras le verre demain, un boiteux comme toi, mais je peux pas le rater dans la grande rue. Du coup, mon cheval... Le mec est quand même assez sympa, tu vois. C'était pas une critique méchante, c'était sur le tour de la gaudrie. Tu me le ramèneras demain? Le verre, tu me le ramèneras demain. Il t'a donné une mini-shop, en fait. Avec, il a versé... Il a sorti une bouteille, mais genre une bouteille comme ça, tu vois. Ça fait un vieux bruit, il a enlevé de l'acier. Ouais, je le sors pour le début de la célébration. C'est la première fois que je le sors, écoute. Les larmes du colosse, t'inquiète pas. Mais là, mais c'est bien bon, tout ça. Mais tu crois que ça va être une bonne nuit, quoi. Merci. Mais je la finis, tu veux. Je deviens joueur, là. Ton cheval, je vais... Pourquoi tu parles de bourrique, là? Mais j'ai besoin de ton cheval demain pour deux... non, un jour et demi. Un jour et demi? Oui, il sera là. Absolument pas confiance de laisser mon bourrique, tu vois. Regarde, t'as vu ta jambe, tu vois, tout complètement. Je te prie des bourriques. Bah si, ben oui. Attends, tu veux des larmes du colosse ou pas? Je t'ai rien dit, moi. Ah. Et hey, ah, je vais aller travailler, moi, tu rigoles ou quoi? Justement, il n'y a pas mieux pour se mettre en veine. Ouais, c'est ça, oui. Je vais me taper les doigts, oui, tu rigoles. Ça réveille, écoute. Ça réveille, oui, oui. Non, mais bourrique. Ça équilibre. Bourrique, tu... Non. T'as vu ta jambe? Je te laisse bourrique. C'est quoi, du coup, tu retournes? Tu me la ramènes en morceaux, tu vas faire l'entrée. Et moi, je te propose, on va aller jouer. Dans le village, en fait. Quoi? Si tu voulais aller dans l'air, pourquoi, du coup, tu... J'arrive pas dans... On joue bourrique. Trop énervé, tu sais. Si je gagne, t'es toujours énervé. Si je perds, tu m'énerves pas. Ok, on t'essayes d'arriver avant que... Voilà, mais tu as essayé de te prouver. Pour le temps, t'as essayé de te... Ah, j'ai deux fléchettes. Ah, non, oui, Yanté, oui. Il donne une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, mais non, c'est parti pour le Yanté, alors. Il est 3h30, donc il y a eu 2h. Enfin, si tu veux revenir avant... Mais voilà, possible. On est en train de parier le fait qu'il nous... Du coup, pareil, tu passes dans la grande rue, c'est la fête partout. Des trucs d'agilité, si tu... Enfin, je vois, si tu recherches des trucs comme ça, il y a toujours le lanceur de machin avec un mec. C'est un peu la règle du Yanté. Un grand homme, maigre, tout blanc, un humain, et qui tombe dans une piscine, en fait, si tu touches la cible... Ouais, ça va me défouler, ouais. Ça va me défouler, ouais. Vas-y, tu peux. J'ai de dextérité. Enfin, tu payes une pièce de bronze. Ça fait... Bon, du coup, nous, on, il est en train de jouer que je lui prête mon Bourrique. Dextérité. Ouais, c'est bon. Bourrique, au dé. Sérieux? 13 sur 5. T'as 5 balles. Tout à côté. Le mec se fout de toi et tout, là, sur la dernière et tout. Ah, tu rages un petit peu, quand même. Le mec te dit, bah, si tu aurais essayé, c'est une pièce de bronze. Non, je m'énerve, je me casse. continue à marcher. Ok. Moi, je vous bourrique au Yamté, mec. Je les croise ou quoi, du coup? Ça... En fait, non, on joue pas bourrique au Yamté, on joue le fait que je lui prête bourrique pendant tout son trajet au Yamté. Tu expliques les règles, du coup. Oui. Du coup, le Yamté, c'est un peu comme le Yams. Voilà. Faut-tu prêter les dés, par contre? Ah, oui. Non, ouais, ou non, il faut jouer avec les mains, mais... Ouais, ils aiment pas ça. Alors, t'as le droit de rejouer à chaque fois que t'as un double minimum. Ouais. Tu commences à compter les points qu'à partir de 3 dés. Donc, par exemple, là... Je joue une première fois. Merci. Là, j'ai 2-3, donc là, je peux me permettre de faire 300 points. Il y a vraiment de l'activité partout. Il y a, ça peut t'intéresser. Il y a des magiciens qui font des tours. Ou autrement, j'essaye de faire une suite. C'est plus de la précipitation, ça. Ouais. Ouais, l'illusion, voilà. Quoi. Ils font des, ils font des cercles de flammes. La suite, ça, ils tirent sur leur pied. 400. C'est les 5. Ils crachent. Ouais, 5, c'est très difficile. Ça passe, ça fait un espèce de flamme. Mais toujours, pour pouvoir rejouer ta suite, ils s'enflamment quand ils passent dans les flammes. Ça fait comme un phénix avec une longue. Tu peux pas rejouer tant que t'as pas tout. Et ça vient se, si t'as que, se dissoudre, en fait, en plusieurs flamèches. Pas les 2-3, j'aurais déjà pu rejouer. Pas un seul dé. Non. C'est toujours 2 dés minimum. Moi, je suis plus en mode énervé, il me faut un truc de force pour. D'accord, si je jette une fois, je fais un double. Si je jette une fois, sur des mecs qui ont des points très tu vois le jeu de la. Non. Ouais, ça, ouais, quand t'as des doubles, tu peux. Il y a une bouteille à gagner. Tu as le droit au nombre de coups si tu refais des. Par exemple, si t'avais eu encore un 1. En tout cas, c'est une pièce de bronze pour participer. Si tu touches la coche, tu gagnes une bouteille. Et après, t'as le. Il y a le carré, il est compté le carré. Pas n'importe quelle bouteille, il y a le de vin de trèfle. Le full, c'est deux. Voilà. Il y a le full. Donc il y a le full qui est possible. C'est pas force, c'est pour faire plus de... Ce que je fais, c'est bon ou pas? Et après, il y a le full, il y a le carré, je crois. Plus de 17. Oui. Mais là... En plus de 16. Non, le carré, c'est 400. Ouais, comme par hasard, ouais, maintenant, j'y arrive. Vas-y, commence. Pardon, plus. Moins. Là, par exemple, ouais, vas-y. J'ai de 5. Ah, ouais, j'ai quand même. Voilà, tu peux moins jouer 500 points. 4. 3 fois 500. T'as fait combien? J'ai fait 4. C'est en on va en. Oui, non, mais j'ai inversé en fait. Oui. J'ai fait 4. Là, il y a 500 points. Oui, là, c'est 3 fois 500 points. Si je fais 4, si tu fais un touche à gauche, tu récupères du. Enfin, il te donne une bouteille de vin. Et 5000, par contre, tu comptes une pièce de bronze. Alors, 5000. Je vais compter déjà. On peut descendre à 2000. Une bouteille de vin de trèfle. Alors, c'est là, pas tu vois, là, je viens de faire un full. Bah, c'est une bouteille de bière, en fait. Le full, c'est combien de points? T'as 30% déjà. 2 secondes. T'as la taille d'une canette, en fait. Ouais, 25 centimes. Le full, bah, tu comptes le total, en fait, de tous les points. Ah oui, c'est ça. Donc, ça fait, ouais, ça fait 200, 200, 400, 400, 600. Ça fait 800. Yes! J'essaie de me balader dans la foule et de piquer les gens, puisqu'il y a vachement de monde, j'ai 3 points à me voir. Voilà, déjà, t'as 3 fois, t'as 900 points. Des bourses? Non, pas forcément des bourses. Là, t'as 1200 points. Tu peux t'arrêter. Si tu roules, tu t'arrêtes, t'as 1200 points. Tu peux rejouer ton dernier. J'ai la détection et voilà la tire, quoi. Les deux. J'ai le rejoint. Mais si tu échoues, t'as tout perdu. Alors, détection plus 30, parce que c'est pas... Il y a vachement de monde où ça, c'est la foule. Ouais, mais c'est bon. J'ai 80 en détection. Vas-y, non, tu peux toujours faire ensemble. Tu vois, t'es bien repassé devant, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on fait en 5000. Heureusement que t'es vu, parce que j'ai fait 84. Voilà la tire, plus. 3, 4, 5. Comment tu prends ça? C'est la genre, tu roules la bourse comme ça, tu la chopes, ça tire. Non, c'est plus que ça, c'est 4000 points. Pas forcément les bourses, d'ailleurs, plutôt les tutures, s'ils ont des. Faut de l'arche, avec ça, j'ai gagné. Des trucs qui dépassent, qu'ils ont dans les poches, pas forcément des trucs. Ok. Ben, fais voilà la tire, plus. Dans les poches et tout, plus. Bah, pas vraiment, pas forcément dans les poches, plus du tout, des trucs accrochés aux ceintures qui sont faciles à enlever. Ouais, je comprends. J'ai fait les 28, c'est combien la 28? Oui. Excusez-moi. J'ai oublié les points, c'est le seul truc que j'ai oublié. J'ai réussi à me rappeler des règles, mais les points. C'est pas 4000 ou 5000 points, j'ai oublié l'ordre. La grande suite, ouais. C'est 4000 points. C'est 4000 points. Bon, ouais, donc t'as gagné. Non, je suis à 4800. Il est un peu tendu le. Tu fais 8. Ouais, tu me lances 2d6. 1, 2, 3. Et tu me donnes les résultats. 1, 5. C'est une grande suite aussi si je fais le 4. Et 1. Là. Du 2. Ouais. Non, c'est une petite suite, mais une petite suite c'est 3000 points. Hein. Ouais, mais non, mais t'es à 200 points. Ouais, bah alors faut que je fasse 200, tu peux me rattraper déjà comme ça. Ouais. Tout, t'es joueur ou t'es pas joueur? Mm-hmm. Ouais, là, t'es joueur, tu relances un dé, peut-être que t'es de la part des objets. Oui, c'est des trucs ouais, t'es joueur, qui n'ont pas joué. Allez, allez. Et voilà, tu vois. Tu vas trouver une paire de lunettes, tu vois un truc. C'est 3000 et un petit. 5 et 1. 5 et 1. C'est 3000 la petite suite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la petite suite. Putain, vous êtes sérieux? Ouais, ouais, ouais, bah, oui. Mais c'était quoi? Pourquoi moi j'avais des jets pourris que vous faites? C'est 3500 points, la petite. Ouais, tu vois. On est à vous. Et en cours de route, vous pouvez reparler si vous le sentez et rallonger les points aussi. On le fait en 10 000, tu vois. Non, mais on avait commencé en 2000, on va en 5000, tu vois. Ils sont en train de parier un cheval, là. Non, on parie pas, on parie juste à Paris. Le fait du kit, tu trouves une portion alimentaire. Ah, cool. Enfin, j'aurais dû commencer par le. Tu trouves un des 4 pièces de bronze, au hasard. Fais comme tu pioches au hasard. Une portion alimentaire et un des 4. C'est une pièce de bronze. Ouh! Je te rajouterai pas si t'es joueur. Non, c'est moi. J'ai de l'âge, j'ai. 600, 1200. Et après, tu m'as dit 5 et 1. Alors. Ouais, j'ai 2400. Bon, ben non. Tu vois, je garde mon cheval, tu vois. T'as voulu jouer? Non, mais il faut que tu m'aides à trouver une solution. Il faut que j'y aille dans ces. Je me suis engagé à aller dans les montagnes. Enfin, moi, je suis à la maison. Je lance-moi 2 dessins. 2 dessins? Il va falloir que tu m'aides. Faudra que tu prêtes le tien à Damien, qu'il puisse faire ces choses. Ah, ailleurs, je préfère faire ça, ouais. Voilà, faut que je négocie avec Damien. Et toi, tu lui attelleras ton cheval à la charrette de Damien pour qu'il puisse venir. Genre un jeu de tarot. Ok. Sinon, je peux faire ça, mais il me faut un cheval. Un jeu de tarot, vous connaissez par le dans son boulot. Où c'est que je peux en trouver? Et tu trouves. Alors, une carte de fidélité. De quoi? De cheval. Pour Ah bon là, et oh, tu vas avoir entièrement complété. Tu vas avoir le pass de panier. Il reste plus qu'à aller chercher le. Ouais. Je peux peut-être essayer. C'est un alchimiste. Bon, il s'appelle. Un peu tard et il faut pas. Mégaol. Voyage retour. Mégaol. Et oui, il faut que tu fasses ton concours là et tout. Et qui se trouve l'adresse c'est à Dolilan. Et si je gagne le concours. J'ai une adresse précise. L'adresse c'est à Dolilan. Si tu le perds, tu partiras plus tôt pour ton voyage aussi. Bah, je dis quoi, non? Non, mais je le perds. Mégaol. Oui, c'est un mégaol. C'est trop important. Mégaol. Ça pourrait me permettre de me donner les clés pour mener l'enquête que j'ai amenée à Dolilan. À Dolilan. Et c'est et un alchimiste, en fait. J'ai besoin que la vérité. Par contre, c'est pas écrit sur la carte de fidélité. Ce que c'est comme potions qui ont été achetées, en fait. Juste des tambours. Ouais, d'accord. Une vraie carte de fidélité comme quoi. Ok. Là il est vu l'heure, maintenant je vais aller bosser, mec. Tu devrais aller rejoindre là, là il est pas encore 4 ans. Mais il est bientôt 3h30 au moins. Il était gros au cheval ou quoi? Non, par contre il a marchandé. Parce qu'il a quand même marchandé. Il a marchandé le fait que moi je prête mon cheval à Damien et que Damien lui prête un cheval. Enfin, de pouvoir que si je dis à Damien. Et là j'ai accepté. Le mec en pouvait plus. J'ai dit je préfère donner mon cheval à Damien, je suis sûr qu'il reviendra vivant, tu vois. Que... Et les points c'était quoi Le cheval fait, il a fait un carré de 6 à la fin. Au point vous étiez à combien 7200 à 4700. Putain, ah, c'est propre. J'ai fait ça à la belle partie. Ouais, vous avez vu le vendeur qui vous a vendu les larmes du colosse, qui vous regarde comme ça pendant que vous faites la fin de partie, il serait presque à commenter et tout. Oh putain, il est trop chaud le mec. Oh, tu vas bien te payer un petit coup quoi. C'est quoi que tu lui as fait goûter là? L'arme du colosse. Allez, vas-y, autrement on peut se la jouer à Oyen. Ah non, là, c'est de la folie, moi je suis plus à ce niveau là déjà. Ah, oh, t'es pas joueur hein. Écoute, pour une pièce de bronze, je vous resserre une rasade tous les deux, écoute. Allez, je te donne une pièce. Alors moi c'est 2 pièces de bronze le verre. Je te remercie bien, t'es bien gentil. Tu me portes bien même ce soir, je vais bien travailler ce matin. Ah oh, mais c'est vrai que tu vas travailler, ouais, oui. Ah je te mets une double dose. Ah, tu me fais plaisir, quoi. C'est normal. Oh, putain. Tu diras que tu viens de la part de Patrick. Ok. Patrick avec un K. Merci. Pas avec un Q. Je supporte pas quand on dit Patrick avec un Q. Comme celui, tu sais, chez le clan des chasseurs. Merci, Damien. Mais quelle heure se fait-il dans cette taverne? Alors, c'est pas la taverne, c'est la rue, toujours. On est toujours dans la rue. C'est un étal qui est dans la rue. Ah, oui, tout le monde vend de l'alcool, mais en fait, c'est pas un paysan, mais c'est quelqu'un qui fait autre chose d'habitude. D'accord. Merci pour l'alcool. Avant de boire tout ça, moi, j'aimerais bien savoir si je suis pas un peu en retard, parce que là, je commence à être un peu éméché. Avec cette deuxième rasade, là, 3h30, c'est passé, c'est pas passé. Il est, j'ai dit quelle heure, 2h30. Il est 3h15. dit ouais, il est bientôt 3h30. Et à ce moment-là, tu vois l'elfe qui passe, tu vois Kat. Enfin, tu les vois aussi. Tu continues à vadrouiller, hein. Tu t'arrêtes pour autre chose. Moi, tu finis par les rencontrer aussi, devant l'apothicaire, vous n'avez pas bougé. Ah, bah non. Dans l'apothicaire, c'est le bien. Avec une bière et un verre à la main. Ah, Kat, comment tu vas et tout, c'est bien rigolo cette fête et toi. J'étais en fête ce soir, j'ai gagné. Bonjour. Vous pouvez remarquer que l'apothicaire, il vend au taquet, il y a un paquet de clients qui sont chez lui, il y a des mecs à qui il sont mis carrément des caisses en fait. Ou des mecs qui viennent juste lui donner de l'argent sans rien prendre. Genre, peut-être qu'il vient de rechercher plus tard, etc. Alors, il fait des business, quand même. Dans cette période. Enfin, tous les mecs vendent. Mais, et c'est une super ambiance. C'est quand même une ambiance très joyeuse, très festive. Des odeurs de poulet, des odeurs de pâtisserie, des odeurs. Voilà, des odeurs à... Ah non, mais même là, ça vous réveille les papilles, quoi. Non, il y a peut-être un Torico qui fait une soupe populaire dans un coin et qui inonde tout le monde de ses vapeurs, tu vois. Ça serait bien sympa, quoi. Presque vous prenez de l'énergie en respirant les effluves qui flottent dans l'air de la grande rue. Donc, du coup, ouais. Mais du coup, tu vas y aller alors. Ben pour l'instant, en essayant toujours de mettre ma main sur la tête à Kat qui cherche à l'éviter. Mais tu vas me laisser te servir, je canne, oui. Je vais t'esquiver, je suis pas d'humeur à ce qu'il me okay, sert. Ok, on peut le jouer à dextérité contre dextérité. Ah, merci. Ça t'en est pas au jet, tu sais, merde. Dextérité, c'est le dévain, c'est ça. C'est vous qui avez insisté, c'est pas moi. C'est raté, c'est réussi. Ouais, d'accord. Et lui, il y arrive. 3. Il te plaque à un moment, et t'as ton corps qui court en dessous, et t'as ta tête qui bouge plus. C'est un peu logique, c'est un peu de toute façon ce que j'imaginais. Je t'ai dit, non, mais de toute façon, je suis sous. Je suis sous, alors tu me sers la canne, tu vois. Là, t'as ton corps qui est en train de bouger de tous les côtés. Donc, t'es habillé comment déjà? Enfin, les trucs que tu portes sur toi, tu les as mis dans ton sac, t'as fait quoi? T'as ton sac à dos? J'ai toujours, c'est un tout petit sac à dos que j'ai. Est-ce que t'aurais vu Damélian? Question au hasard. Non. Question au hasard. Bon, toi, je t'en remets pas une autre. C'est dit le mec à côté. Ça veut dire sûrement que elle ne doit pas être partie. Tu ne comptes pas venir travailler chez le grossiste, j'imagine? Ah non. Moi, il faut que je me repose. Demain, je te ramène à la charrette, c'est bon, t'as gagné. Merci. Okay. Bah, bonne soirée, les gars, hein, voilà. Bah, je reviens après, de toute façon. Enfin, vous partez ensemble. J'imagine que vous marchez pendant bah, une soirée, que tu vas vers un forgeron. De toute façon, je dois aller chez le grossiste à 6h, donc là, je vais pas repartir chez Damélian pour revenir à pied. Tous les commerçants que vous avez sur la route sont à leur étal, ou alors c'est leur fille, ou leur fils, ou leur. Des vendeurs. Il y en a certains qui ont des jolies vendeuses, en fait. Des jolis elfes, des. Il n'y a pas beaucoup d'air. Enfin, presque des courtisanes, en fait. Si, si, mais là, c'est des gens bien maquillés et tout, avec des parfums un peu envoûtants. Ouais, parce que j'ai gagné contre un elfe au dé, il s'en rappelle encore, quoi. J'en ai pas vu beaucoup des. Tu lui as pas dit son nom, donc il s'en rappelle pas de ton nom, mais il s'en rappelle encore. Mais après, il a fait ça de toute façon, il a perdu, il a gagné. T'as battu un elfe, mais n'oublie pas, demain, tu me dois ton chien, hein. Je continue à avancer, il a sa main ancrée sur moi. Ça, tu portes même pas, genre, épaule contre épaule, ou... Voir si... Je fais 1m40. Ah, d'accord. Bah, tu peux quand même supporter quelqu'un, peut-être tu lui mets la main. Non, mais il va devoir s'allonger par terre, il mesure combien? 1m80. Ou 6ème sens. Tu veux genre combien Leïstan, mais il le sait pas, il l'a pas remarqué. Je lui avais dit de le marquer, toi. Perception, 1m75. Et tu fais combien? 1m40. Bon, mais ça va. Ouais. Bah, il s'appuie comme ça sur ton épaule d'un côté, puis de l'autre côté, tu positionnes par au niveau des côtes. Et il marche comme ça. C'est un petit peu. Pas compliqué, quoi, mais bon. Bon, on y va. De quoi? Ben moi je veux. Oui, tranquillou, attends, laisse-moi finir mon verre là. Mais toi tu fais ce que tu veux, mais lui il veut que je l'emmène à la charrette avant qu'elle s'en aille. Ah bah cassez-vous, bonne nuit. Allez, toi t'es parti avec le verre. Ah oui, c'est vrai, je m'en bah, je te supplie. Non, t'as pas relevé quoi que ce soit. Par contre, t'as dit au mec que tu bossais chez l'envoi. Ah, oui, t'as dit d'ailleurs. Tu es meilleur, regarde. Je vais faire un jeu, mais c'est le résultat, il y a bien à avoir un coup. Tu m'as fait goûter un fameux breuvage. J'en reviendrai à mon copain. Demain, j'ai un petit concours, je le fais gagner. Ouais, aux fléchettes. Ah ouais, aux fléchettes. Ah non, mais l'autre, il s'en va. Je suis un fan de fléchettes, quoi. Non, mais il faut qu'il aille dormir. Je vais gagner une bouteille et je peux te dire que. J'aurais pas le temps, je là, c'était le verre, mais la bouteille. C'est une compagnie inoubliable pour une soirée. En fait, t'as calculé que t'es bourré. Bah, je le ramène à la charrette et je le jette dans la charrette. C'est plus que t'as réussi. Bah, je crois que j'ai juste pas besoin de faire grand chose pour qu'il tombe dans la charrette. Globalement. Faut pas le brusquer non plus. Hein, ça, non, ça non, mais genre, je le mets. Prends pas un moins de plus sur ton. Non, non, mais genre, tu sais, je le mets au dos à la charrette et il s'allonge tout seul comme une grosse merde avec les jambes qui pendent, quoi. Je dis, ouais, ben là, il y a Eliane. En fait, elle est là, elle vous dit. Ok. Parce que je suis quand même. On attend 4 heures pour partir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Oui, je sais, moi je vais repartir dans la nuit. Je vais rentrer. 10 sur 10, okay. Je si tu dors où? Tu dors pas? Je rentrerai après, je dois aller chez le grossiste pour travailler un petit peu. D'accord, je retrouverai après. N'oublie pas que le repos est merde sur tête. Oui, mais j'irai après. Je vais travailler un petit peu et je reviendrai dormir après. Vu l'heure. D'accord. Ok, ça marche. Pas que je par contre, il va falloir coucher la histoire. Un petit tempo qui peut te... Je vois qu'il est blessé. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de la balustrade. Ok. Et en fait, il s'est planté une flèche en tombant. Il te l'a raconté tout ça ou pas? Eh oui, il l'a raconté. Il avait la flèche et il a dit c'est quand je suis tombé que j'ai reçu la flèche. Ok, tu dis... Oh. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Et je crois que... Mais de toute façon, enfin... Sans Ross, je ne veux pas être méchante, mais j'avais déjà senti que c'était pas sa soirée quand on a coupé le bois ensemble. Oui, c'était déjà mal parti, il aurait mieux fait de rester. J'espère qu'il va s'en remettre, je vais veiller sur lui cette nuit, pour qu'il se repose bien. Et je crois qu'il... Je sais pas s'il l'a acheté, mais il devait passer chez l'apothicaire pour prendre une crème. Pour se la mettre sur la plaie, donc je sais pas ce qu'il en a fait, et là je crois qu'il est pas du tout en état de faire quoi que ce soit. Et toi, t'es couché dans la charrette. T'es complètement sous ou t'es en mode. Non, t'es pas complètement sous, t'as combien de vigueur? T'as 70 Ouais, mais avec tout ce qui m'est arrivé et que je bois pas beaucoup, j'estime que je suis. T'es fatigué, mais t'es pas. Ouais, t'es pas ivre quand même, quoi. Ouais, mais je pense qu'il s'est endormi direct une fois. Enfin, t'entends la conversation, donc quand elle dit. Tu peux le dire si tu veux quand même. Quand elle demande si t'as. Si, tu sais, qu'elle sait pas si t'as pris le bomb ou pas, machin. Je peux dire que tu l'as eu, enfin si tu veux. Le bomb, je l'ai, par contre, je ne l'ai pas encore passé. Non, mais je viens de dire à Damélian que je ne savais pas si, je, si tu devais aller acheter le bomb chez l'apothicaire, mais je ne sais pas si tu l'as acheté ou écoute, pas. Ouais, le bomb, je l'ai. Alors, je tourne dans la charrette, je vais t'en passer. Et, c'est très aimable à vous, Damélian. Et. Quand t'es pas une elfe et tout, t'es pas une elfe. On tient à l'heure, par contre, parce que j'attends, on ne sait jamais s'il y a d'autres. J'ai rencontré d'autres personnes à la soirée, s'ils veulent que je les ramène. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, j'avais dit entre 3h et 4h, je vais partir vers 4h. Hein. Je vous en attends là, je pense que je... Non mais je reste à côté de toi, je passe le bomb. Okay. Elle passe le bomb, et quand elle passe le bomb, au lieu d'avoir 3 utilisations, t'as, on peut dire, tu peux mettre 2,5. En fait. Ou 2 plus. Je me souviens là. Il te reste 2 plus. Elle utilise juste ce qu'il faut en fait. D'accord. Tu peux lancer un D4. Parce que tu t'endors direct derrière. Ça fait genre trop de bien. Parce que je comptais lui parler un peu, mais. Ah, ça, non, laisse tomber. Ça fait trop de bien. Deux. Tu t'endors direct. J'ai gagné 2 points de vie. Tu t'endors comme une masse, quoi. Ok. Bon, tu peux même poursuivre plus loin. Le lendemain, tu te réveilles directement dans ton lit, dans le dortoir, enfin dans la chambre que vous partagez. Damélian est tellement balèze, elle m'a quand même plié tout à l'heure que ça m'étonne pas qu'elle ait réussi à me mettre. Ouais, vite fait, en coupant du bois au passage, t'inquiète. Elle a rentré aussi 18 bûches. Et toujours aussi classe, sans aucune tâche. C'est exactement ça. Non, mais c'est clair que depuis toujours, vous sentez qu'à côté d'elle, vous avez un regain d'énergie, un regain de volonté, un regain de curiosité. Elle a un côté un peu, pas juvénile, mais réveille votre côté juvénile aussi chez vous. C'est aussi pour ça que t'es gaffeur, c'est peut-être aussi pour ça que t'es à fond dans ton truc, c'est peut-être aussi pour ça que t'as pété un peu les plombs et que t'as roulé de tous les côtés. Il y a un petit côté, ouais, ça vous... Voilà. Du coup, je me sens... Ce côté, elle donne le meilleur de vous-même, en fait. Je me sens de moins mauvaise humeur, tu vois, et du coup, en repartant à la fête. Elle t'a calmé aussi, ouais, voilà. Carrément, avec des petites blagues, des petits rires. Elle a un ton qui est très très doux, très très... Après, c'est une voix chatoyante, en fait. Je veux dire chatoyante à l'oreille, tu vois. Bah, je repars vers le centre, vers la ville. Ah, normalement, t'as une armure, du coup, sur le trajet où il remonte... Alors, fureur des ténèbres, je crois. La fureur des ténèbres, ouais. Non. Il est en train d'aiguiser devant. Bonjour, Norbert. Et il fait partie de ces gens qui ont payé des... Enfin, je pense qu'ils ont payé des vendeuses, parce qu'il y a une elfe magnifique, aux cheveux... pas blancs, mais argent, en fait. argenté et aux yeux violets, plutôt bien foutu, qui vend, il a une espèce d'étal avec ses armes et tout ça machin, et il vend des armes, dans le style genre pas armes de guerre, il vend pas de masse d'armes, il vend des petits couteaux de poche, il vend des trucs fins et précis, fins et minutieux et précis, du travail d'artisan. Tu comprends qu'il a le niveau de se permettre de vendre des petites babioles comme ça pendant les festoches, parce que ça se vend bien et que c'est pas dangereux et que voilà, il aura pas de soucis derrière non plus. Après, pareil que pour l'apothicaire, il y a des gens qui viennent et qui le payent sans rien prendre. Enfin, genre, ils ont l'air de le connaître, ils serrent la main, ils tapent dans le dos, ils donnent une bonne bourse, hop, ils font un signe avec les doigts. Pareil, il y a aussi la queue derrière son stand. Et lui, il affûte. Bonjour, bonjour, salut, mon voir. Comment ça va? Ah, ça va, j'attends toujours le fourreau et tout. Voilà, et je profite un peu de la soirée. Ça se passe bien pour toi? Laisse-le travailler. Regarde, c'est allumé. Il n'a pas ouvert de stand dehors. Je crois qu'il est en train de travailler sur son fourreau. Et je, tu vois qu'il travaille sur ton fourreau. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça. T'as pas besoin d'un petit coup de main en attendant? Ah, toujours. Ah. Est-ce que t'es bon vendeur? Je peux donner une pause à la demoiselle. Vendeur, je peux essayer. Je suis moins bon. J'ai pas le bagou pour. Ni physique. Mais je peux essayer. Écoute, si on faisait autre chose. Ah. Si je te mettais au défi. Ah, je suis preneur. Si tu trouvais quelqu'un qui t'achetait une pièce d'exception, quelque chose que tu lui fournirais à la fin des festivités. Je te laisse ton métal, c'est moi qui reçois l'argent, bien sûr, mais tu négocies à plus haute valeur, tu sais, c'est des affaires. Ouais, on peut essayer. Montre ton savoir et montre déjà d'une part que tu peux vendre tes connaissances. Et... Parce que moi, au niveau de la forge, je ne peux plus rien t'apprendre. Même, tu sais, je suis assez humble, c'est toi qui pourrais m'apprendre beaucoup. J'ai d'ailleurs vu que tu te trimballais cette pétonnière. Ce revolver! Ah, c'est un pistolet à silex. Je serais curieux d'étudier ça avec toi. Oh, je peux te présenter, j'ai appris tellement avec toi. La lame que tu as fait pour mon ami. Le pistolet. Qui me doit toujours la repas. J'oublie pas. Oui. Et ma femme, elle n'a pas oublié. Ah, je pense et bien. T'inquiète, qu'elle ne s'est pas passée. Ah. T'entends dans la forge, ting, ting, t'imagines que c'est sa femme qui l'a fait. Ton défi, c'est que je trouve quelqu'un... Je peux te montrer sa femme, déjà. Ton défi, c'est que je trouve quelqu'un qui achète une de tes pièces de déception. Elle est bonne, elle est avec la pipe, tu oublies la pipe. Non, elle n'a pas la pipe. Elle n'a même pas une barbe. Donc du coup ton défi c'est que je trouve quelqu'un qui achète une de tes pièces d'exception. Non, pas quelqu'un qui achète une de tes pièces d'exception. Quelqu'un où tu vends une de tes pièces d'exception, mon ami. Donc il faut que je la fabrique. Et bien sûr. Ah. C'est à toi de te mettre le but, le défi, le vendre et le fabriquer. Ah, je suis preneur. Si tu me laisses sa forge pour faire ça, je suis toujours preneur. Tu as la forge? Tu as mon métal, tu as mes outils. Par contre, bien sûr, il faut que ça me rapporte plus que ce que tu as dépensé. Bien sûr, c'est le principe. Enfin, que ce que j'ai dépensé. Je suis preneur. Allez. Je commence quand? Je peux commencer maintenant? Tu commences quand tu veux. Ton père, écoute-moi bien, ton père serait fier de toi. Ah oui, je suis sûr que Bordure sera sûr d'être fier de moi. Bordure, c'est moi. Mais ton père, Is. Non, c'est Nordure. Hein? C'est Nordure. Non, mon père, c'est Bordure. C'est Bordure. Excuse-moi, oui. Je pensais que j'ai du mal avec Nordure. Ouais. Bordure, mais c'était pas un jeu de mots avec Is. Eh ben, non, avec Boris, Bordure, Bordel. Ah, c'est son surnom, en fait. C'est pas son nom. Is, c'est mon prénom. Et notre nom de famille à tous, c'est Bord. Voilà, donc il y a c'est Bordure. Ah, d'accord. Boris, bordel. Putain, faut que tu m'écrives un background et que tu me fasses passer. Oui. Que j'avais relu sur ce que tu avais noté. Et mon grand-père à qui j'ai lu, okay. C'est Boran. C'est Boran. Okay. Boran. Je me rappelle Boran. Mais il te dit, ouais, Bordure, je suis fier de toi. Ah, c'est sûr. Même Boris. parce que je serais fier de mon propre travail. Je sens que tu as les capacités. Je suis preneur. Tu as les connaissances, tu as le savoir-faire. Maintenant, il faut que je vende. Il faut que tu saches te vendre et il faut que tu saches quantifier ton travail. Te laisse pas dépasser, attention. Oui. Ne promets pas moins et merveilles à quelqu'un qui pourra payer des fortunes pour vivre. Ou ne vend pas à bas prix une pièce d'exception. N'oublie pas que les armes tuent, et ça c'est important. Tu vois, ça femme derrière. Tu vois les. C'est la seule qui se repart. Je suis très fier que tu me proposes. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais la ville entière est pas. C'est pas du chaume et tout ça sur les toits, c'est de la pierre et des tuiles. Je veux faire préciser. Je suis très fier que tu me proposes un tel défi. Je suis preneur. Toujours pour apprendre. Et je resterai humble sur ta décision à la fin. Alors, fais-toi plaisir. Si tu veux, après, tu peux aller aider ma femme, si t'as un petit peu de temps à perdre, ou si tu veux dessouler. J'ai connu ça, tu sais, j'étais jeune aussi. Je comprends. Hop, mais... il est coupé. Tu vois qu'il y a un... Donc, les mêmes gardes que je décrivais, les gardes duc, en fait, les gardes ducaux, peut-être, ducal, un garde ducal, qui arrive et qui lui dit, bon, mais... Enfin, il vous coupe sans pitié, sans vergogne. Norbure, je te... la livraison sera faite demain. Le duc te paiera en suivant. Enfin, tu vois qu'il gère des affaires. Et il repart. Ok. Bon. C'est quoi ces petites affaires là? Je suis un peu curieux, mais c'est bizarre. Hein. Les affaires, on en fait. C'est le but. Oui, tu sais que tous les commerçants de Yonkos font leur chiffre d'affaires, enfin, doublent leur chiffre d'affaires. Durant la fête. Durant la fête. Et c'est tous les 5 ans. Donc autant qu'on en profite et que pendant 5 ans, on produit aussi. Regarde, et tu vois que c'est vrai que sur l'étal, il y a beaucoup plus de choses qu'il avait exposées en fait. Comme si. Peut-être qu'il avait préparé, quoi. Il avait dans les stocks. Quoi. C'est fait. Ça en fait. Peut-être qu'il y a une zone que tu n'as pas vue qui est les stocks. Ouais, où c'est. Voilà. Il y a peut-être aussi des belles choses, etc. Tu vois, bon, je vais quand même réfléchir à la pièce que je vais faire. Parce que j'ai plein d'idées, mais il faut que je le travaille, que je fasse le plan et tout ça. Je vais pas venir de suite à la forge, je vais peut-être passer à la bibliothèque. Dans les activités créatrices, la bonne piste, c'est de trouver la bonne personne qui vous motive. Ah ben, vous l'avez déjà fait. Mais... Non. Peut-être celui à qui tu vas vendre aura un esprit encore plus farfelu que toi. Et il va inventer n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est une excellente idée. Faut que je trouve le client qui fasse la demande. Moi, j'aimerais bien me laisser inspirer, tu vois. Ce côté-là, un petit peu. Mmh. C'est ce qu'on a chez les nains. Pas les nains qui voyagent, en tout cas. Je comprends. Ah, je suis jeune voyageur, finalement. Je commence tout justement, quoi. Oh, c'est curieux. On ne se le fait pas. On est toujours curieux. À n'importe quel âge, t'inquiète pas. Ton arme, d'ailleurs. Ah, moi, j'ai 24 ans. Non, pas ton âge, ton arme. Si tu peux me la montrer... dans l'après-midi, fin d'après-midi, je sais pas qu'est-ce que... T'as dormi ou quoi? Non, j'ai pas dormi, je suis malade, un peu fatigué quand même. Mais voilà, c'est t'as des stages de tirer. D'ailleurs, quelle auberge tu me conseilles pour faire une petite nuit sympa? Eh bien, je sais pas, ça dépend de tes moyens, mais tu sais, ici, après, tu peux t'allonger, tu trouves dans la rue, t'inquiète pas, il y a des gens qui hébergent partout, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Hein. Tu peux dormir dans les champs, tu peux... Tu peux dormir pour toi, Florian. Écoute, même moi, je vais te dire, tu sais, il y a l'écurie à côté, là. On la partage avec le tanneur. Tu peux y aller, tu peux dormir dans l'écurie si tu veux. Oh, tu peux te reposer. Y'a pas de souci. Ah, je suis preneur. Je vais finir ma bière tranquillement et je vais aller faire un petit somme. Quand même, te plonge pas trop dans le travail. N'oublie pas qu'il y a le petit repas chez Diane. Oui. Je le sais, je sais. Entre gens de bonne compagnie. Mm. Tu verras ma femme, tu sais qu'elle t'adore. Et surtout que j'aurais peut-être l'inspiration à ce moment-là. L'inspiration, des fois, vient avec les rencontres. On en reparlera. Écoute, si tu veux donner la main à ma femme, tu peux y aller. Sinon, si tu veux partir en chasse de ta pièce unique... Pour l'instant, tu as bien raison. Il se fait une tard. J'ai pas dormi depuis au moins plus de 24 heures. Une journée entière. Tu sais bien que les nains, nous, on est comme ça. Et je sais bien. Et il faut que je réfléchisse ce défi tellement beau qu'il faut quand même que je prenne le temps de bien choisir le bon produit pour bien le vendre. Très bien, je te fais confiance. Merci. Tu veux te le proposer, c'est ça? Ah oui, je vais pas. Toi, tu as mis des larmes du coup aussi. Oui. Je le sens aussi. C'est Patrick qui me l'a fait voir. Hein. T'es sûr que tu veux pas essayer de vendre? Bah, tous les gens sont comme toi. Je pourrais le vendre. On va aider la vendeuse. En plus, elle est gentille. Mais tu sais quoi, toutes les vendeuses qui sont là, les belles femmes. C'est pas ça. Tu crois qu'elles viennent de nous? On les embauche du temple des courtisans. Ce sont des petits secrets de vendeurs. Tu me tentes, tu me dis de pas travailler, et puis d'un côté, tu me tentes de travailler. Je comprends plus maintenant. Je suis le bonheur de toute la situation. Écoute, je te laisse le choix. Je connais ton père, je te laisse le choix. Allez, allons aider ta femme, je vais les forger un peu. Hein. Ok, tu as forgé. Elle forge des trucs. Alors, les, comment, la façon dont elle forge, c'est très violent. D'accord ? Enfin, vraiment, il faut l'utiliser à marteau. Même toi, t'as du mal à le soulever et tout. Enfin, t'as carrément du mal à le soulever. Non, t'as 5 en force. Ouais, pas du tout à le soulever en fait. Elle est comme ça, une main. 5 en force. Et elle forge des couteaux, quoi. Elle forge des lames de couteau, des. Enfin, elle remplit les stocks, elle fait de la. J'ai de connaissances. T'as connaissance en armurerie, oui, tout à fait. Ouais, j'ai connaissance en armurerie, vas-y. Connaissance en armurerie. Vas-y, ça va me faire péter ta connaissance. 86 pour 64. Elle forge des couteaux. Elle forge des lames de couteaux, des petits couteaux, des opinels, enfin, genre. Bon, du coup, moi je vais au foyer et j'alimente le foyer parce que du coup, il faut. Voilà. Ok. C'est moi, c'est toi, Aïs. Ah, c'est toi, Aïs. Je suis content de te voir. Alors, d'accord, c'est le pas avec ton Rico. Ah, demain, normalement, ou après-demain. Encore aujourd'hui, pendant que je forgeais, j'ai senti sa soupe d'ici. C'est vrai. Mais, mon Dieu, elle s'est imprégnée dans mes vêtements. J'ai pas voulu changer de vêtements. Je sais que je dis pas, on va bien manger quand il sera là. Et j'ai hâte de le revoir, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Vous savez, ça fait déjà une journée entière. Tu peux remarquer aussi qu'elle forge sans tablier de cuir, en mode sans gants, sans tablier de cuir. Elle est en. Elle a juste une cotte de maille. Elle a un peu une armure, quoi. Ouais, un peu comme ça. Elle forge comme ça. Sans les armes. Oui, un peu comme ça. Elle forge pas à la masse d'armes. Mais des fois, elle fait des trucs, t'as jamais vu ça en forge, comme un truc de forgeron. C'est pas un truc de forgeron, c'est les mecs qui bricolent et qui réfléchissent à côté. Qui ont des manières un peu plus violentes aussi de régler les problèmes. Oui, j'observe la situation toujours d'un œil en alimentant le foyer, en faisant, en rangeant, en alimentant aussi son fer, son acier, tout. Je joue le lapin un peu, tu vois, je suis un peu impressionné, quoi, faut le dire. Ok, ouais, petit jet d'artisanat quand même, facile, parce que c'est pour faire la fête. Artisanat, armurerie, du coup. Forge. Armurerie. Ou forge, ouais, forge, ouais. Bah, l'un ou l'autre. Je fais 12 pour 95. Ouais, ça passe crème. Hein. Mais oui, d'ailleurs, tu peux mettre mes forges et armurerie sur ta feuille parce que forge, armurerie, c'est un peu redondant en fait. Donc oui, tu peux mettre forge et armurerie. Enfin, forge et armurerie. Okay. Parce que forge, c'est un peu un truc de base chez forgeron en fait, tu vois. Tu peux pas connaître l'armurerie sans connaître la forge en fait. C'est ça que je me dis. Du coup, enfin, je remplace ça. Donc ouais, tu l'aides et tout, te remercie. Tu sais que je viens de perdre 95 points dans un coup, là. De quoi ? Tu sais que je viens de perdre 95 points, au final. Ah, chapeau, je suis désolé, je te coupe. Mais du coup, comme je mets, j'enlève une connaissance en forme, je m'enlève 95 points d'un coup. Enfin, pas 95 points, c'est moins... Oui, j'ai compris. C'est le point total, ouais. Ouais, ok. Voilà, c'est ça, gars. C'est un bon chipot, tu peux lancer un des... Je vais pas faire l'abuser, pas faire un dessin, mais un des 20 tu le rajoutes à ta connaissance de base en fait. 6. Non, 9, je crois. Arrondi à 10. Ok. Et je te compterai. Non, si tu fais pas 4 ou 5 points, si tu fais 70 points de moins. Ok. Puisque t'avais 15 de base avec la connaissance en fait. C'est ça, t'as 15. J'avais 20 de base avec la connaissance plus 10. Ah oui, donc tu te fais 60 points de moins. Ok. Donc, on va rétablir, t'inquiète. Ouais, non, c'est... Vous serez pas jaloux. Donc, pendant ce temps, il y a une personne qui vous rejoint dans la charrette. Qui nous rejoint ? Ben non, t'es pas avec moi. Ah oui, c'est vrai. Je suis reparti pour prendre une armure, pour ça, je vais confier. Et vous partez avec. Vous partez tous les trois avec Eliane, qui ramène tranquillement au dortoir. Pas instant dans la fête, donc pareil, la cohue, tout ça. Enfin, la fête ne s'arrête pas pendant 3 jours. Là, tu es en train de comprendre. Enfin, c'est pas que tu es en train de comprendre, c'est que tu es en train de vivre. La fête s'arrête pas pendant 3 jours. Il y a toujours des trucs sur lesquels s'arrêter, regarder, des gens qui t'abordent tout le temps. Des barbes, des vendeurs de cigarios, des gens qui te font des tours de magie privés, qui te donnent des cartes de visite, qui font de la pub, des rabatteurs et rabatteuses. Ouais, mais je me promène tranquillou et je me dirige vers le grossiste. Je regarde autour de moi, mais je fais rien de spécial. Enfin, si, j'essaye encore de piquer des trucs. Oh putain, la chance, il est... Je vais me faire choper. Ouais, tu vas te faire choper. J'ai en vol à la tire, j'ai que dalle. Oh, la munition. Je le tue. Surtout que nous, là... Tu veux voler quoi? Non, moi, je suis... Pareil, des conneries. Ok, pareil, alors, détection. Vol à la tire. Toi, t'as le chat. Moi, je suis là. Et pourquoi? C'est quand même le soir, y a pas... T'as pas les bonus qu'il y avait quand il y avait la foule. Il est avec toi, là. Je te le dis pour les deux. Ah, ça, je le sais pas. 7, 6, 2, détection. Ouais, bah, c'est toi qui es plus au courant. Ça passe. On sait encore moins de toi. J'ai 80... Ouais, ok. Il y a ce mec qui vous a rejoint. Vol à la tire. Vol à la tire. C'est là que j'aurais dû faire mon 7. Toi, t'as... Oh, trop bien, 5. Sur 8. C'est de la chance, voilà. Putain, c'est ouf, quoi. T'as fait faire un jet de pitié, quoi. Voilà la tire, j'ai que 8 en voilà la tire. Et refait 2 descents, du coup. 62. Ok. Et 80. Non, mais pour vous, c'est sur sa liste. Non, mais il y a que les dés qui disent maître du jeu. Alors, tu trouves... Tu piques un des 4 pièces de bronze, encore. 2. Et en plus de ça, t'as une potion qui est... violette. Enfin, une potion violette avec genre des... Comme s'il y avait de la poussière dorée dedans qui flotte dedans. Mais un peu comme si ça avait de la vie... Ouais, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est leur propre vie, en fait. Ensuite, tu trouves un... Enfin, c'est la seule autre chose que tu trouves. Tu trouves un couteau de poche. Et il est gravé de runes naines. Il y a 3 runes naines dessus. Tu peux... T'as combien en lecture? 30. Tu peux essayer de faire un jeu de lecture. Moins 10, moins 20, c'est pas top. Ah non, non, pardon. Lecture 70. Ok. Moins 20 quand même. Moins 20. Ouais, je suis parti sur ça. 21. Ok. Il y a écrit un prénom. C'est gravé sur la lame en fait. Non, c'est pas un prénom. C'est 3 mots. Je sais pas où que c'est. Oui, je l'ai approché. D'accord. Il y a écrit pour toi, Aurel. Aurel, O majuscule R-E-2-L-E. Ok. Est-ce que je peux faire. J'y attends, parce qu'il y a pas mal de gens de la milice. Donc je fais une perception pour voir s'ils te choquent. Mm. Et ils sont payés pour ça, ils sont dragués. Okay. La plupart, c'est les humains, ils sont à 65. Il y en a un qui s'est alpagué. Donc il y a quand même. C'est plus la foule, mais il y a quand même du monde. Tu peux essayer de t'esquiver en te faufilant dans la foule. Mais tu vois que tu t'es fait repérer. Enfin, tu peux me faire une perception. Qui normalement passe sans peine, je pense. Oui, 32 sur 80. Donc tu vois qu'on t'a repéré. Et il commence à te poursuivre. Hé, toi là! Je te vois! Toi l'elfe! T'es habillé comment? T'as laissé quoi les couleurs? Noir et bleu? Et toi, en noir et bleu et tout machin! T'as 2-3 personnes qui se retournent vers toi. Déjà, enfin, juste proche de toi qui se retournent. T'essayes d'esquiver, enfin, de partir en sprintant, tu te caches, tu fais quoi? J'essaye de partir en plus en me faufilant dans la foule pour pas me faire trop repérer, mais sans courir non plus, sinon ça va pas être discret. Genre, vraiment. Je crois que ça va se jouer avec l'extérité pure. Déplacement silencieux, t'attends. Non, déplacement silencieux, dans ce cas-là, ça marche pas. Des mais discrétion, moins 30. parce que ben, le mec t'a déjà repéré, donc il est en train de te poursuivre. Et en plus, il a fait une perception de fou, quoi. Il roule. Oui, il a fait 6. 30, ouais, c'est bon, ça va. 32 sur 49. Ok, je fais quand même un test d'agilité. 14. Il te poursuit, il court derrière. Soit tu le sèmes à la course, soit, soit il va te choper en fait. Putain, c'est putain G quoi. Putain, c'était hallucinant. J'ai fait un 0-6. Ouais, mais j'essaie de. Fait devant vous. J'essaie de courir. Mais elle aussi, elle a fait des bras de oui. Bah, en vol. Ouais. En course, je suis pas. Oui, après, moi, ça passe. Course, ouais, t'as fait quand même un bon G sur la truc, donc plus 10. Tu te faufiles entre les jambes. Ouais, ça fait 20. Hein. Ouais. 66. Ok, il te chope. Il t'attrape par le bras. Hé, hey, toi! Ouais, pas, il y a des gens, en fait, devant toi qui sont retournés. Et c'est un petit peu bloqué, en fait. Et t'es arrivé à un moment, t'as buté dans quelqu'un. T'es un petit peu plus petite que les autres. Tes lunettes qui sont limite tombées, tu les as rattrapées une extrémis, tu vois, tu les remets sur ton nez. Et juste à ce moment-là, il pose sa main sur ton épaule. Qu'est-ce qu'il y a? T'ai vu, toi, t'as volé. Pardon? Oui, t'as volé, le mec avec le turban bleu, là-bas, qui vient de passer. Oui, oui, je t'ai vu. Moi? Vide tes poches. Non mais attendez, vous croyez que j'ai que ça à faire? Je suis en train de me promener, j'ai pas que ça à faire. Vide tes poches, je t'ai dit. Je t'ai vu glisser le couteau dans ta poche. Vide mais tes poches. Mais j'ai pas de poche. Bon, viens avec moi au temple de la justice. Mais je veux dire que j'ai rien fait, pourquoi vous m'en... Il sort le sifflet rouge. Prout, prout. Il siffle deux coups. Je peux pas le convaincre. Non, il t'a vu. Il t'a vu, tu peux pas le convaincre. Tu vois des gardes au loin qui arrivent en rapiquant. Je lui mets un gros coup de pied, j'essaie de me barrer. Je me sens trop agressé, tu vois. Genre, mais lâchez-moi, j'ai rien fait, tu vois. Tu te débats ou tu essayes de le pencher sur la main? Non, mais j'essaie de le repousser qui me lâche, quoi, qui me fout la paix. Corps à corps. C'est corps à corps, quand même, ouais. Pour te dégager, en fait. Parce que c'est pas que de la force, c'est aussi. Il te tient, quoi. Il t'a mis la main sur le poil, il te lâche plus. Ça passe, 0,3 sur 50. Ouais. La 6. Sur sa force à lui. Lui, s'il me sort un G, il me sort un 0. Hein. Pas sur le D12. Le D20, c'est mieux. Je dis quoi sur la force? Ouais. 11. Okay, tu glisses entre ses doigts, tu te faufiles dans la foule et t'arrives à t'esquiver. Mais quand tu cours, tu te retournes et tu le vois, il discute avec les autres miliciens. Et tu vois qu'il fait ta description, tu sais. Il fait ta taille avec la... Enfin, il montre ta taille avec la main, tu sais. Il montre tes grandes oreilles, tu vois. Genre, dans les deux miliciens qu'il y a, il y en a un de ceux... Enfin, un des miliciens qui surveille, c'est celui qui t'avait agressé à la force, quoi. Donc, il est comme ça, il est déjà trop vénère, le mec, tu vois. Genre, dès qu'il a entendu le mot elf, tu l'as vu dans ses yeux, tu sais. Il a pété un pont. Je continue à me faufiler et j'essaye de me cacher dans les ruelles et de rejoindre là où il y a le plus de foule, en fait. D'accord, c'est au niveau des temples, sur la place centrale, là. Ouais, mais vas-y, j'y vais, je me faufile entre les ruelles, discrètement, si tu crois qu'on me voit, j'essaie de me fondre dans la foule. Ok, ouais, discrétion tranquille, plus t'as échappé là, plus 20, du monde et tout. Ça passe. Ok, tu te perds dans la foule. Sur la place des temples, ben... tous les temples sont... Enfin, il y a des prêtres devant qui font des célébrations partout, même pas que de la déesse de l'hiver, en fait. Il y a toujours les prêtres en rond, en train de chanter. Attends, il est quelle heure? Il est... 4 heures. Plus que 4 heures, là. On est au moins à 5 heures. Oui, même 5 heures. Parce que tu vas... Ouais, tu as pas dit combien de temps tu bossais avec... Bah attends, j'ai pas fini, parce que je veux refaire un autre. Et après, une fois que je suis dans la foule, je les vois, les miliciens arriver? Alors... Fais-moi un jeu de perception pour voir s'ils te cherchent, en fait. Mais là, par contre, au niveau du temple, c'est super dense, quoi. Il y a des étals partout, il y a des vendeurs ambulants partout. Non, non, enfin, les miliciens sont pas encore en train de te chercher à cet endroit-là, tu vois. Il y a aussi le temps que l'information circule. Tu sais, t'as connu quelques petites villes, et tu sais que les milices, c'est toujours au bouche à oreille. Il se passe le mot, mais tu seras recherché d'ici quelques temps, quoi. Tu le sais, quoi. Mais bon, là, il y a foule et, ouais, des elfes dans la foule, il y en a d'autres, quoi. Même si c'est assez rare. Une personne sur 20, je crois que c'est un des 20. Ouais, je peux faire, savoir ce qui est ma potion. Une personne sur 12. essayer de trouver ce que ça fait. Alors qu'Arvin, ça, si je sais ce que c'est. Estimation. Avec les lunettes, ça. Fait... Estimation ou. De quoi ? T'as compris connaissance lunettes, toi, ça connaissance. Plante, forge ou cuisine. Ça rajoute bien le côté forgeant dès que. Moi-même. Pose ça. Une connaissance de base, hein. Connaissance moins 20. Moins 20. Parce que c'est des potions et que c'est pas du tout ton domaine. Ah ouais. Et qu'un truc violet avec des trucs dorés dedans, t'as jamais vu ça. J'ai l'arme. Ça passe pas. T'as voulu un handicap. Ok. Ah ouais, mais quand t'as l'œil. Tu secoues le truc, tu vois l'or qui s'agite, qui fait une spirale. Ça se monte comme ça, ça fait comme genre un brin d'ADN. Et ça explose en volute et ça se rassemble et ça continue à tourner autour. Miroitant. Ouais, dans genre miroitant. Ouais. Je pense que ça va prendre la tranquille. Là, c'est plus promenade. Il y a vraiment gens contre gens. Il y a des chansons. Ouais, non, mais voilà, fait, je profite du spectacle. Je me mets à la foule. Ok. T'as des concerts. C'est plutôt cool. Dans un coin de la place, y a, devant le temple de la connaissance, il y a un concours de chant de barbe, en fait. Enfin, ça, c'est cool. Laisse-moi juste le temps de voir. C'est inscrit, je trouve. Mais moi, en fait, je voulais profiter vite fait d'avoir un petit peu de temps tranquille, de l'observer forger, en fait. Vraiment prendre le temps. Sa femme à lui ? Ouais, du coup, je pèse mes lunettes, hop, je prends une petite pipe, hop, je passe 2 minutes sur un petit tas et je la regarde, j'observe vraiment, tu vois. Je donne mes loupes, je regarde comment elle tape. Ma pipe tranquillou, pas tranquillou, hein, te fait vachement gazer en fait. Hein. Ouais, elle me fait gazer. D'ailleurs, tu peux faire un jet de vigueur en descend. Ouais. Jet de vigueur plus 20, c'est ton domaine, c'est la forge et tout. Mais elle te fait trimer, elle envoie du steak en fait. Ouais, mais. Et les couteaux, les lames de couteau, elle les débite quoi. Oh putain, elle fait un 17. Putain, elle te fait trimer sa mère. Mais tu rampes. Ils ont pas aidé sur cette marge. Tu tires la langue. J'avais envie de te dire, tu dépasses les points pour tes bottes parce que t'es obligé de les utiliser à un moment pour pas trop rasper, tu vois. Donc tu peux décompter les points de magie. C'est combien tes bottes? Les points de magie. On n'a pas compté les points de magie. C'est ma bonne question quand je t'avais posé, je te rappelle. Si tu avais déjà fait jouer, on l'a pas noté. J'ai noté. Je crois que c'est 2 points de magie. Mais que ça marchait que 1 minute, ça. Alors, là, il y a plus vite, ça marche 1 minute. Ouais. 1 minute, et t'as pas noté le nombre de points de magie que ça comptait. T'as pas décompté les points de magie quand tu les as utilisés. Il y en avait pas, c'était 2 fois la vitesse, 1 fois par jour. Attention, c'est pour ça aussi. Il y avait une limitation, 1 par jour aussi. Donc on n'a pas compté en point, mais du coup, on n'a pas compté les points de magie. Par contre, c'est intéressant de le dire, c'est cool. Ouais, non, mais je crois que c'est ça, j'aurai pas mes notes parce que je pense que je l'ai fait peut-être. Il me semble que c'est 2 points de magie et que tu as un jet d'art de la magie aussi à faire. Donc je vais te le faire avec plus 20 aussi parce que là, c'est ta poche, ouais. Soit tu le réussis, soit elle te fait tellement trimer que tu tiens pas la route, quoi. D'accord. Dans la magie plus 20, tu m'as dit. Art de la magie plus 20. 48 ? Une chance sur 2, quasiment. Ouais. 36, ça passe quoi. Voilà. Elle fait bon, écoute, tu restes combien de temps pour ça du coup je comptais rester et puis, ouais, faire 2 heures et à un moment arrêter pour l'observer parce que si c'est à ce rythme là, on voit. Elle a faut que je bouffe aussi là. Tu vois qu'elle a vachement d'endurance quoi. Et enfin, si tu la suis, elle te fera rasper toute la journée parce qu'elle envoie du steak toute la journée. Non, il faut que je mange, il faut que je dorme. Donc il faut vraiment que tu me dises le temps que tu l'aides. Parce que si tu décides pas d'arrêter. Elle te dit quand même, t'as l'air fatigué, il va falloir que t'ailles te reposer. 2 heures. Au bout de 2 heures, je m'arrête. Hein, je dis bon, là, faut que j'aille dormir, manger et tout. Ok. Mais elle te dit, ouais, passe la porte au fond, là. Tu vas directement dans la cuisine de l'atelier. Et j'ai essayé de quoi bouffer. Pas toujours chaud, mais... Ça sera suffisant, ça. Et après, j'imagine que Norbert t'a dit que tu pouvais dormir dans les couilles. Dans les tables, oui. Table que vous partagez avec le Tanner. Et voilà, et quand t'as observé, t'as remarqué qu'elle faisait pas de la forge fine ou quoi, t'avais pas grand-chose à apprendre de ce qu'elle faisait, si ce n'est qu'elle envoyait du steak, elle envoyait des quantités, elle avait une endurance de fou, et que... un de tes coups au marteau, c'est... Enfin, un de ses coups à elle au marteau, c'est vers toi. Tu es trop énervé, quoi. T'es limite un lutin à côté de Scalambro, quoi. Elle a des muscles, tu les vois saillants et tout. Elle est plus musquée que Norbure, en vrai. D'accord. Bon, bah écoute, J'ai pas mis l'image de Norbure, d'ailleurs. Mais... Ouais, c'est... J'ai pas mis l'image de Norbure, c'est vrai que... J'ai la femme de Norbure. J'imagine Norbure... Elle est vraiment taillée. Elle est vraiment taillée, quoi. Enfin, ça sent que c'est pas une forgeronne, ça sent que c'est pas une femme au foyer. C'est une guerrière. Et elle a plus même le profil aventurière, en fait. D'accord, ok. Tu vois, elle a... Pas genre, elle a des colis fichés, mais elle a des vêtements qui sont... elle porte un colis fiché, quand même. Mais elle a des vêtements qui sont, genre, adaptés pour le voyage. Elle a des runes à droite à gauche, elle a des petits... Sa ceinture, tu vois, tu te doutes qu'elle est magique ou qu'elle a quelque chose. Puis les runes. Ok. Ça sent plus que la naine qui a baroudé, c'est ça que je veux dire. Malgré que je sois impressionné, il faut que j'aille me sustenter, donc je vais me sustenter. Ok, elle continue à envoyer du steak, elle débite, elle remplit des caisses entières. Toi, tu dors. Moi, je vais vers le grossiste pour aller bosser. Ok. Moi, je dors. Toujours. Ok, quand t'arrives, même quand t'es passé devant et tout, tu vois qu'il avait toujours des gens en train de décharger. Il y a aussi du chargement, en fait. Il embauche surtout pour ça. Ouais, j'y vais. Donc pareil, il fait... C'est 4 tes argent pour 2 heures. Ouais. De 4 à 6. Ouais. Oui, j'ai avec moi. Vas-y, j'ai de force à la dernière fois, c'est ça. J'ai de force pour envoyer. J'ai de force... Si, ce que je peux demander... Pas. il te paye tes 4 pièces d'argent pour tes 2 heures de travail, mais après il te congédie, quoi. Tu vois que ça continue à bosser quand même. Il y a certains mecs à qui il dit ouais, toi tu peux rester. Toi, ouais. Et tu charges beaucoup de charrettes, il y a beaucoup de charrettes qui partent. Tu vois des caisses, des fois t'as chargé quelques caisses qui sont gravées. Il y a le même truc, en fait, tu es tellement allé à l'enseigne du forgeron, tu vois, que tu as le même emblème qui est gravé, quoi. Mmh. Le forgeron, c'est... L'ordure. L'ordure. Enfin, c'est pas le nom que je voulais, c'était le... L'âge du quoi. C'est la hache à double tranchant. Ouais. Qui est un peu dessus au fer rouge. Tu charges des caisses comme ça. Tu sais que c'est l'arbre et tout. Ouais. Et après, du coup, je rentre chez Damien. Ok, tu dois rentrer à pied par contre. Ouais, je sais. C'est quand même assez. Enfin, t'es quand même assez fatigué, donc un jet de vigueur. Combien de temps tu mets, si tu traînes la patte ou pas. Moi, est-ce qu'il soit trop tard, mais. 0,5. Parce que tu m'as déjà dit que je me réveillerai que demain matin. Dis-moi quand même. Mais juste pendant le voyage, est-ce que j'ai perçu une conversation entre deux? Parce que j'ai un sommeil de voyage. Tu vois, c'est. Ah non, mais là, avec Adam et Yann, t'as un sommeil sous l'art, quoi. Les mecs ont été obligés d'élever la voix pour parler. J'ai pas réussi à entendre une conversation. Mais apparemment, j'étais pas tout seul. Entre deux avant de t'en rendre. Enfin, c'est pas moi, j'ai perçu que j'étais pas tout seul avec Adam et Yann. Oui, tout à fait. Quand vous êtes reparti, t'as senti au démarrage, tu vois, les carreaux de la charrette sur la route en terre. Ouais. Enfin, timidement pavé, et vous passez vite à la terre en fait, pour aller vers chez elle. Et t'as vu qu'il y avait une autre personne, t'as remarqué qu'ils discutaient pas plus que ça, il y avait quelques mots échangés. Ouais. Mais j'ai pas. Tu peux me faire, allez, tiens, vas-y. Fais un jet de. Perception moins 50, allez, je sais quoi. 66, le chiffre dit deux mots. Rien du tout. Mais par contre, tu peux... décompter le demi que je t'avais mis sur le baume. Ouais. Tu peux le décompter parce qu'en fait, tu remarqueras quand on aura changé le bandage, on t'a renettoyé la plaie, changé le bandage, remis du baume, changé le bandage. Ok. Ouais, dans le bon ordre. Quoi. Remis, moi, je pars dessus. On t'a refait des soins, certainement quand t'es arrivé, ou peut-être quand t'as mis dans ton lit, Entre le peut-être le matin. D'accord. Non, mais je vous embête plus jusqu'à ce que demain matin. J'ai fait 0,5. Putain, en quoi ? En vigueur sur 50. Ok. Putain, mais c'est quoi ces jets de fou ? Quand t'as... quand t'as roulé, machin. Ouais, ça devrait ça en plus. Elle est juste là-haut, quoi. Donc, t'arrives. Il est 6h du mat, quand même. Je finis à 6h du mat, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça, oui, ça peut être. Moi, c'est 2h après. Je pensais que la je me rappelle que la vadrouille, c'est. Ouais, ouais, tout à fait. Même de 5 à 7. Donc, quand t'arrives, tout le monde est couché, enfin. Mais tu mets pas longtemps. En moins, il faut 1 heure de marche. T'as mis 3 quarts d'heure. Ouais, d'un bon pas. L'air était frais. Pareil, hein, sur la route, t'as rencontré plein de gens. Pas jusqu'à chez Eliane, mais genre à... Je sais pas moi, 2 km autour de la ville. Ouais, non, il y avait du monde, quoi. Tu... Je rentre et je me nettoie un petit peu et je vais me coucher. Ok, repos. 6 heures du mat. Toi, repos aussi. Ouais. Combien de temps, repos? Bah, déjà, j'ai mangé. Ouais. Et après, petite demi-heure repas rapide quand même, et repos derrière. Putain, c'est comme un jeune, hein. Ah bah ouais, attends, tu te fous de toi, t'as 10 sous dans sa charrette. 10 l'homme sous au milieu de la nuit, quand il se réveille dans son lit, ouais, manger. Non, demain, je trouve, après. Du coup, ouais, dormir, je vais dormir bien 3 heures, même 4 heures tranquille. Dans le bureau.